regular até à entrada no IC19, também com a radial de Benfica preenchida para Pinamanique. A Nacional 117 está a escoar, com trânsito também acumulado para a Amadora. Ponte 25 de Abril vai para a arranca a partir do Cotudo das Águas Lindas para o Tabuleiro. Não há demora no acesso de Alcântara para sair de Lisboa. Evitar o... Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'Argus Sport. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, il est 20h32. Nous sommes le lundi 23 février 2026. Ravi de vous retrouver pour 2 heures d'émission en direct. On retrouvera bien sûr Hugo à partir de 21h pour la grande page football. Et avant cela, eh bien, tout ce qui s'est passé dans le reste de l'actualité sportive toute la semaine. Bien sûr, il y a beaucoup de choses encore. La fin des Jeux Olympiques. On va revenir sur tout ça, bien sûr, avec une belle fin de semaine pour la délégation française. On reviendra aussi sur le rugby, avec la victoire du 15 de France hier face à l'Italie. Toujours en course pour le Grand Chelem, plus que jamais. On va revenir aussi sur le basket, avec la victoire de l'OLB hier, qui conserve son titre dans la Leaders Cup Elite 2, voilà, qui a conservé son titre en battant Rouen hier. On va revenir sur ça également. Et puis voilà, du tennis aussi, un mot de tennis, du handball aussi, Saran qui s'est de nouveau imposé, ça fait du bien pour le moral. On va revenir sur tout ça donc. Et puis les directs que l'on suivra ce soir, 4 directs ce soir. On aura 20h45 d'abord la Ligue 2, Le Mans Guingamp, match extrêmement important, voilà, pour Le Mans qui peut, en cas de succès, et bien repasser sur le podium à la 3e place. Donc match extrêmement important pour cette équipe du Mans, pour Guingamp. L'enjeu un peu moins important, Guingamp qui est 11e pour le moment. Voilà, donc assez loin de la zone rouge et assez loin également du podium. Donc enfin voilà, qui pourrait leur permettre de remonter un petit peu, mais c'est vrai que l'enjeu est vraiment là pour le Mans, très important ce soir. Donc c'est 20h45 cette rencontre. L'Italie aussi à 20h45, Bologne, Udinese. Ce sera donc le dernier match de cette journée en Serie A. Voilà, entre une équipe 10e et 11e, voilà, des équipes qui ont plus grand chose à jouer, hein, dans ce championnat. Donc voilà, un match vraiment de milieu de tableau. C'est donc à 20h45, un petit peu plus tôt dans la soirée. La Fiorentina a battu Pise 1-0. Match avancé donc dans cette journée. Voilà, on reviendra sur tout ce que ça va par contre conséquence tout à l'heure, bien sûr, dans le débrief Serie A. Et puis 21h, 2 autres directs, l'Angleterre avec Everton, Manchester United, très important pour Manchester United, hein, qui peut, en cas de succès, tout simplement, et eh bien passer devant Liverpool et Chelsea et prendre seul la 4e place, très importante bien sûr. Et puis pour Everton, voilà, bah, Everton qui est 9e, donc une victoire pourrait leur permettre quand même de se rapprocher un petit peu des places européennes. Et puis également un match en Espagne ce soir à 21h également, entre Alavés et Gironne. Donc ce dernier match de cette journée en Liga, donc Alavés 15e et puis Gironne 13e. Voilà, un duel mal classé qui sont en besoin de points, donc voilà, un match aussi important en Liga ce soir. Voilà donc le programme ce soir, plein de choses, hein, je vous l'ai dit. Voilà, on va avoir encore un programme avec pas mal de choses, du côté du football bien sûr. Plein de choses encore, là, les barrages de Ligue des Champions, on va revenir sur ça, hein, sur ces matchs aller. Et puis, bien sûr, ce qui s'est passé en championnat ce week-end. Paris de nouveau leader, on va y revenir. Le choc entre Lens Monaco qui a un fur retournement de situation pour Monaco qui s'est imposé. Et puis, la défaite de Marseille pour la première d'Habib Bey. On en reparle, bien sûr, tout à l'heure dans la page football. Mais l'arrêt d'Argus Sport, eh bien, ça démarre tout de suite. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Allez, on démarre cette émission par eh bien notre débrief JO, voilà, qui se sont clôturés hier avec cette cérémonie de clôture, si vous l'avez vécu peut-être. Eh bien voilà, c'est la page qui s'est refermée donc hier soir, avec une belle moisson hein, pour la délégation française qui a battu plus que battu son record de médailles, avec vraiment une belle moisson dans les un peu voilà, vraiment lissée sur toute la période. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des médailles un peu tous les jours. La France donc termine sixième de ce classement avec 23 médailles, 8 titres. Voilà, c'est 2 de plus aussi. Hein. Voilà que le précédent record. C'est la Norvège qui s'impose dans ce tableau des médailles, 41 médailles, 18 titres. Hein. C'était vraiment la nation forte une nouvelle fois. C'est la quatrième fois consécutive que la Norvège reste en tête de ce tableau des médailles. Les États-Unis deuxième, 33 médailles. Les Pays-Bas donc troisième, 20 médailles, 10 titres, hein, notamment acquis hein, sur le patinage de vitesse. Hein, il y a eu énormément de médailles qui ont été décernées dans ces et le short track. Voilà, c'est patinage de vitesse et short track pour les Pays-Bas comme très souvent, hein, bien sûr. L'Italie à domicile finit donc quatrième, avec 30 médailles et 10 titres. Et puis l'Allemagne donc 8 médailles d'or, cinquième, qui a coiffé la France hier sur la dernière journée en bobsleigh notamment. Et qui a glissé entre l'Italie et la France à 5e, donc 6e place pour la France. Très très belle Olympiade encore. On a vécu énormément de belles émotions, bien sûr, notamment au biathlon, hein, qui a porté hein, plus de la moitié du total de la France, hein, avec 13 médailles. Hein, voilà, ça a été vraiment incroyable, hein, que ce soit les relais, hein, les trois relais, hein, masculin, féminin et mixte, hein, remportés pour l'équipe de France. Et puis dans l'individuel, bien sûr, du Quentin Fillon-Maillet, du Océane Michelon, lors de la Mastart incroyable, avec la deuxième place de Gilles Simon. Si vous l'avez vécu samedi pour clôturer le biathlon, et bien c'était une Mastart de folie que les Français nous ont offerte, chez les hommes aussi. Voilà, donc on a vraiment vécu de belles émotions, et donc aujourd'hui la délégation est rentrée et a été notamment paradée, qui a paradé donc Albertville, avec un défilé qui a lieu toute la journée. Donc ça c'était aujourd'hui hein, pour accueillir nos médaillés et même nos médaillés, tous les Français qui étaient présents à Milan Cortina pour ces JO. Et puis bah, maintenant bien sûr on va se tourner vers les Jeux paralympiques hein, qui vont démarrer très très vite hein, ça va s'enchaîner du 6 au 15 mars hein, ça va arriver assez vite. Voilà, donc Jeux paralympiques aussi, on a hâte d'y être avec ces athlètes, ces para-athlètes qui vont tenter de faire aussi bien que ces athlètes valides de ces JO. Donc on verra tout ça bien sûr à partir du 6 mars. Et puis hier aussi, bien sûr, le passage du relais a été fait avec Alpes 2030. Les prochains Jeux à domicile, on a hâte aussi d'y être dans 4 ans maintenant, bien sûr, dans ces Jeux du côté des Alpes françaises. Voilà pour terminer avec cette partie Jeux Olympiques. On va poursuivre avec passer à tout à fait autre chose du handball. Avec donc, je vous le disais, en Pro League hein, pour Saran, ça se passe bien mieux. Hein. Il y avait un peu premier accro lors de la reprise hein, après la trêve, après la longue trêve. Puis depuis, ça a été beaucoup mieux pour Saran qui s'est imposé ensuite et puis qui s'est de nouveau imposé sur cette journée, la 18e journée du côté de Besançon, 42-32. Hein, le score en plus assez large, donc vraiment une victoire avec la manière pour Saran qui du coup est 5e désormais avec 22 points. C'est Ivry qui est en tête avec Pau 25 points, Caen 24 points. Ponto Combo 4ème, 23 points. Donc voilà, ça rend des cas 3 points de la première place et 2 points du podium. Donc c'est vraiment, qui est vraiment à portée de fusil de ce podium pour aller chercher vraiment la meilleure place possible. Et pourquoi pas aller chercher même la remontée. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, bien entendu. 19e journée à venir pour Saran qui va recevoir Ponto Combo, justement match très important, ce sera donc face au quatrième, donc vraiment une victoire permettrait de repasser devant et de passer quatrième, donc c'est vraiment un match très important qui sera à suivre vendredi à 20h, ce sera au Palais des Sports d'Orléans. Donc allez-y, hein, si vous êtes sur place, si vous êtes pas loin, eh bien allez-y, supportez nos Saranais, nos Septeurs, qui ont bien besoin de soutien sur cette rencontre un peu cruciale hein, dans la saison. C'est vrai que c'est un vrai tournant là pour la suite de la saison. Donc vendredi à 20h au Palais des Sports. Voilà. Pour la Pro League, en Star League, eh bien c'est un petit peu statu quo en haut avec toujours le Paris Saint-Germain en tête, hein, égalité avec Nantes. Alors à noter que Nantes a joué un match, qui a joué un match de plus, hein, il y a quelques semaines, donc il y a un match d'avance sur Paris. Donc voilà pourquoi ils sont à égalité pour le moment. Mais c'est vrai que Paris, eh bien aura l'occasion lors de son match de retard, enfin voilà, de rattraper en tout cas ce match et de repasser en tête. Dans tous les cas, sur cette journée passée de ce week-end, Paris et Nantes se sont imposés respectivement face à Aix et Tremblay. Sans Tremblay, j'ai envie de dire, là ça a été vraiment des matchs acquis facilement pour ces deux clubs là. Pour Chartres, malheureusement défaite, et ça c'était la défaite à pas à faire, hein, face à Dunkerque, 25-24. Face à un concurrent direct vraiment pour le maintien. Donc Chartres désormais est 14e à 7 points, il était Dijon. Dunkerque devance désormais Chartres d'un point. Voilà, c'était vraiment pas le match à perdre. Malheureusement, ça s'est joué à un but près. Il reste évidemment beaucoup de matchs, hein, mais c'est vrai qu'il va falloir s'accrocher pour Chartres pour essayer d'aller chercher ce maintien cette saison. Déplacement à Istres à venir justement pour Chartres, le dernier championnat. Donc ça c'est vraiment la victoire impérative pour ne pas voir Istres revenir à hauteur. Donc c'est vraiment le match primordial pour Chartres vendredi, déplacement donc à 20h. Voilà pour la Star League. Et puis un rapide détour par la Ligue des Champions. C'est un petit peu mieux pour Paris, hein, qui est désormais 5e à la faveur d'un succès à Zagreb la semaine passée. C'était important, donc 5e désormais, ça grappille, mais c'est vrai que le podium est très loin maintenant, mais il va falloir essayer de s'accrocher au top 4. Voilà. Et puis en ce qui concerne Nantes, c'est pareil, 5e place, ça grappille aussi après une victoire face au Sporting, c'était en fin de semaine dernière. Donc voilà, c'était des victoires importantes pour ces deux clubs là en Ligue des Champions, et qui désormais revient 5e, voilà, à 2 points du podium. Là c'est vraiment jouable pour Nantes pour le podium, avec encore quelques matchs à jouer, et bien très précisément 3 matchs à jouer avant la fin de cette phase de poule. Donc voilà, ce sera des finales hein, maintenant pour ces deux clubs là, pour Paris, pour Nantes, jusqu'à la fin de la saison. Pour les filles, tout va bien, les qualifications sont faites pour les 8e. Voilà, donc avec respectivement une première place pour Brest, une deuxième pour Metz, à égalité hein, avec l'équipe première. Ça s'est joué à vraiment un peu de choses, mais en tous les cas, les deux sont qualifiés pour la suite. Hein, donc ça c'est plutôt intéressant pour les quarts de finale. Donc elles s'évitent en plus un huitième de finale. Voilà, donc les matchs seront 21 et 28 mars, c'est huitième. Et donc Metz et Brest, ça commencera à partir des quarts. Donc là pour l'instant, elles sont tranquilles pendant un peu plus d'un mois et attendre leur adversaire respectif. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler après le tirage au sort. Voilà donc pour eh bien la suite de cette Ligue des Champions qu'on a hâte de voir, et on espère bien sûr pour les hommes que ça se passera bien et qu'il y aura une qualification qui pourra se faire dans cette fin de phase de poule. Voilà pour le handball. On poursuit avec du basket. Je vous le disais en préambule, ça s'est très bien passé pour Orléans ce week-end lors de la Leaders Cup Pro B, voilà, où Orléans remettait son titre en jeu en finale et se sont de nouveau imposés, voilà, de nouveau face à Rouen, cette fois victoire 80-73. Match pas facile, hein, une égalité à la mi-temps, et puis finalement c'est Orléans qui a pris les devants sur le troisième quart-temps avant de garder son avance dans le dernier. Victoire donc 80-73, deuxième victoire consécutive dans cette donc Leaders Cup Elite 2. Et voilà, donc ça fait toujours plaisir, un trophée supplémentaire pour Orléans qui va peut-être les aider à enchaîner en championnat maintenant. Bien entendu. Et puis sur la Leaders Cup donc de la première division, donc de la Betclic Elite, c'est Monaco qui s'est imposé sans trop de surprise face au Mans, Le score, il est large, hein. Vraiment 103-79. Voilà, il n'y a pas eu de match dans cette finale, donc de Leaders Cup, donc Betclic Elite 103-79, victoire de Monaco, qui pourra chercher pourquoi pas un doublé, puisque en championnat Monaco est toujours leader aussi, hein, avec Nanterre derrière Paris et Strasbourg. Donc pour l'instant Monaco qui est vraiment sur une série incroyable. Et puis en Euroleague aussi, ça se passe un tout petit peu moins bien. 9e place pour l'instant, on sait c'est les 8 qui se qualifient. Pour l'instant ils sont vraiment à portée, hein, les Monégasques, à égalité avec l'équipe 8 et 7e. Donc ça va vraiment se jouer à peu de choses, à une victoire près, hein. L'ASVEL qui est toujours dernière, ça va être terminé. Pour Paris aussi, 16e, ça sera trop loin maintenant. Donc 29e journée sur les 38. Donc voilà, il reste 10 journées pour aller se qualifier pour Monaco. Réception du Maccabi Tel Aviv, ce sera jeudi, face à une équipe 13e. Donc voilà, il faut gagner absolument là maintenant pour aller chercher cette qualification pour donc la suite de cette Euroleague. Voilà, et puis à noter, oui bien sûr, que pour le championnat, ça va se poursuivre à partir de début mars, hein, une trêve qui sera la bienvenue, notamment pour Orléans après cette fin de période intense, hein, avec pas mal de matchs, c'est vrai, des fois deux en semaine, plus cette Leaders Cup. Donc ça va faire du bien de souffler. Reprise le 6 mars donc pour le championnat, donc une semaine complète de repos, et retour le 6 mars. Orléans ira à Rouen justement pour aller affronter Rouen de nouveau, voilà, qui est leader, hein, tout simplement. Donc ce sera vraiment le match important à suivre. Donc l'avantage peut-être avec cette victoire en finale de Leaders Cup dans la tête en tout cas, et il faudra réitérer l'exploit ou en tout cas la performance à l'extérieur pour revenir à une victoire. Ce serait l'idéal de Rouen. Donc voilà, ça sera le défi qui attendra Orléans donc pour cette prochaine journée, le 6 mars à 20h. Blois de son côté, eh bien, qui est toujours dans le coup, hein, qui va d'ailleurs avoir un match de retard à jouer aussi pour essayer de suivre le rythme. Donc, ces trois équipes-là vont probablement se tirer jusqu'au bout, hein, pour cette fin de saison. Et bien sûr, on le sait, pour le premier, une remontée directe en Betclic Elite. Voilà pour le basket en Europe. Et puis un mot en NBA très rapidement, puisqu'on avance tranquillement dans le championnat. Il reste encore pas mal de matchs, encore un petit peu moins de deux mois de compétition. En tout cas, à l'Est, pas de changement pour le leader. C'est toujours Détroit qui domine vraiment largement cette conférence. Suivent derrière, assez proche, hein, Boston, New York, Cleveland qui se suivent, et Toronto. Mais pour Détroit, c'est vraiment un autre monde. Oklahoma City qui est aussi bien devant, avec les Spurs qui suivent pas très très loin. Denver et Houston essaient de suivre le rythme, tout comme les Lakers. Voilà pour l'instant un petit peu le scénario dans cette NBA. 3 matchs seulement cette nuit, pour une fois, très peu de matchs. On aura 3 rencontres, donc Détroit, Spurs. Donc justement, gros match, hein, le leader de la conférence Est qui reçoit le dauphin de la conférence Ouest. Donc grosse rencontre à 1h du matin. On aura aussi Memphis, Sacramento, Houston, Utah Jazz, donc à partir de 3h30. Les 3 rencontres de NBA. Donc en tout cas, je vous recommande, hein, si vous êtes amateur de NBA, cette rencontre, bien sûr, vous l'avez certainement coché, hein, ce Détroit Spurs à 1h, voilà, entre deux grosses franchises de cette NBA. Voilà pour le basket. 20h50, les directs sont partis, hein, ça y est, on va suivre ce soir. Donc d'abord la Ligue 2 entre Le Mans et Guingamp, 0-0 après 6 minutes de jeu. Bologne-Udinese 0-0 aussi après 5 minutes de jeu. Puis dans 10 minutes, l'Angleterre et l'Espagne vont suivre. On continue notre débrief multisport avec du rugby et cette belle victoire du 15 de France. Vous l'avez peut-être revu, qui a été un petit peu poussive, longue à se mettre en place, puisque c'est vrai que la France a mené rapidement 19 à zéro, hein, dans le début de rencontre, et puis qui a été un petit peu pénalisé, hein, par quelques petites erreurs, par un essai assez logique de l'Italie, hein, Et puis à la pause, voilà, les Bleus qui menaient, mais voilà, seulement 19 à 8. Il y avait encore voilà du chemin à faire. Et puis finalement, dans les 10 dernières minutes, l'équipe de France qui a un petit peu accéléré pour marquer deux nouveaux essais. Et donc ça fait 5 essais au total. Donc le bonus est validé. Victoire 33 à 8 finalement, hein, assez large. Hein, mais en tout cas, là, l'Italie qui aura bien tenu, hein, qui aura été combative. Mais finalement, la France voilà, qui aura accéléré vraiment au bon moment pour une victoire donc assez large. L'Écosse s'en sort au Pays de Galles dans les dernières minutes avec une victoire 26 à 23. Voilà, dans les 5 dernières minutes, ils sont passés devant les Écossais. Puis l'Angleterre a été battue assez largement par l'Irlande. C'est un drôle de tournoi avec une Irlande complètement méconnaissable, hein, par rapport au premier match face au Bleu, 42-21. Donc la victoire de l'Irlande qui se relance un peu dans ce tournoi, qui reprend la troisième place derrière l'Écosse et ses 11 points. La France est en tête avec ses 15 points, donc le grand chelem toujours en course. La prochaine rencontre, la France ira en Écosse. Ce sera pas cette semaine, il y aura une trêve, hein. Ce sera que la semaine prochaine, le samedi. Cette fois, ce sera le samedi à 15h10. Voilà, on aura l'Irlande Pays de Galles qui sera en ouverture, mais le vendredi soir cette fois-ci. Et puis on aura Italie Angleterre là aussi le samedi en fin de journée. Donc un tournoi qui est intéressant. L'Écosse qui voilà va recevoir la France avec à l'espoir de repasser tout simplement en première place avec une victoire. Et puis stopper les espoirs de grand chelem de cette 15 de France. Donc belle affiche à venir. Donc et puis bien sûr il y aura la réception de l'Angleterre pour clôturer le tournoi et qu'on espère un grand chelem aller chercher sur cette dernière rencontre. Mais l'Écosse, attention quand même, deux victoires dans ce tournoi face aux Anglais assez entreprenant. Et puis je vous le disais, une victoire au Pays de Galles pas facile, mais qui voilà, ils se sont arrachés les Écossais. Donc attention à cette Écosse à l'extérieur. Le top 14, donc en parallèle, il n'y avait pas de match le week-end, hein, bien sûr, mais ce sera le retour du coup le week-end à venir, donc la 18e journée. Noté, hein, Toulouse, le leader de son côté, recevra Montauban dernier. Donc voilà, un match largement à la portée de Toulouse. Castres-La Rochelle pour le match de samedi soir, avec des équipes encore en course pour le top 6, hein. Rien n'est fini. Et puis Pau Bordeaux Bègles pour terminer, ce sera donc le match de dimanche soir entre Pau 2e, Bordeaux Bègles 3e. Donc un vrai vrai gros match de ce top 14 dimanche 1er mars à 21h. Voilà pour le rugby, ce qu'on pouvait en tout cas vous donner comme info ce soir. Le RCO aussi, on en avait parlé, hein, ça va plutôt bien pour le RCO, qui continue gentiment son parcours en National 2, voilà, qui va jouer de nouveau le 8 mars maintenant, hein, réception de Saint-Jean-de-Luz, voilà, pour Orléans, qui est toujours sur le podium, hein, donc tout va bien, hein, pour le moment, voilà, l'objectif, aller chercher les playoffs, et pourquoi pas, bien entendu, aller chercher une remontée, mais ça, ce sera une autre histoire. Deuxième place pour l'instant, égalité avec Salles, et puis l'US Salles, et puis Stade Langonnet, pardon, est toujours leader avec 2 points d'avance, donc sont dans le coup les Orléanais. Il faut continuer pour aller chercher les playoffs, et puis pourquoi pas mieux ensuite dans cette dernière phase finale. Allez, un mot de tennis avant de marquer une pause et de retrouver Hugo pour le foot. Voilà, les tournois de la semaine, hein, je vous disais, c'est pas une grosse période pour l'instant, hein. Bien sûr, on va attendre les gros tournois qui vont arriver. On a quelques tournois avec notamment la victoire de Carlos Alcaraz à Doha, numéro 1 mondial, qui a battu Arthur Fils, hein, qui a fait un beau tournoi français, hein, qui a battu tête de série ce tournoi à Doha, mais trop impuissant face à l'Espagnol en finale, 6-2, 6-1 en moins d'une heure, hein. Ça a été une formalité pour l'Espagnol qui s'impose à nouveau dans ce grand chelem. À noter que donc dans les autres tournois, notamment un français vainqueur à Lille, c'est Lucas Van Hache qui s'est imposé en 2 manches en finale, donc il s'impose dans ce tournoi challenger, hein, l'équivalent du tournoi d'Orléans notamment. Et puis cette semaine, 2 gros rendez-vous, Acapulco et Dubaï. Donc Acapulco, on aura Alexander Zverev qui sera à la tête de série numéro 1, Dominor à la tête de série 2. Et puis chez les Français, Corentin Moutet, Manarino seront présents. Gaël Monfils sera aussi présent pour sa dernière saison du côté d'Acapulco. Et puis à Dubaï, eh bien les présences de Oji Aliassime, qui d'ailleurs s'est qualifié aujourd'hui, il affrontera MPJ Pericard au prochain tour, puisque lui aussi s'est qualifié aujourd'hui. On aura Arthur Fils qui tentera de faire aussi bien que même mieux peut-être que sur le tour à passer. Stan Wawrinka invité, il est passé au deuxième tour pour sa dernière saison lui aussi. Hugo Humbert, Rinderneck, quant à lui c'est déjà fini. Et puis Bublik, la tête de série 2 de ce tournoi, donc à Dubaï, je vous le disais, pas de Sinner. D'ailleurs lui battu dès l'écart à Doha, ça a été une petite déception pour lui. Battu en trois manches, donc italien, pas de Sinner cette semaine, pas de Alcaraz et pas de Djoko non plus, toujours au repos. Bien sûr, on aura l'occasion de les revoir dès la semaine suivante, puisqu'on aura des tournois, bien sûr les gros tournois Indian Wells et Miami aussi qui s'enchaînera donc dans ce mois de mars. Pas de changement dans le top dans le tableau, dans le top 10, hormis Taylor Fritz qui prend la 7e place de Oji Aliassime qui lui passe 8e. Sinon, pas de changement, le numéro 1 français, c'est toujours Arthur Rinderneck qui est 31e. Arthur Fils, Corentin Moutet, Hugo Humbert sont dans le top, dans les 40 premiers aussi. Donc de ce classement, voilà pour être tout à fait complet sur le tennis. C'est à noter que ça va être la reprise aussi dans très très peu de temps, la saison de MotoGP. Hein. À noter que le 1er mars, donc dimanche, eh bien c'est déjà la reprise, ça y est. Dimanche, c'est le Grand Prix de Thaïlande qui ouvrira le bal. Voilà pour cette nouvelle saison de MotoGP, ça y est, hein, c'est déjà reparti. Et en Formule 1, si ça va arriver très vite, le 8 mars, donc la semaine d'après, l'Australie bien sûr, comme d'habitude, pour attaquer la saison. Et noter qu'en WRC, c'est parti hein, déjà depuis le mois de janvier. À noter que deux pour l'instant rallyes ont été courus. Monte Carlo, c'est Solberg, pardon, le suédois qui s'est imposé. Et puis en Suède, c'est Elfie Evans, le Britannique, qui s'est imposé. On rappelle, la présence Sébastien Ogier pour aller chercher peut-être un 10e titre. Pour l'instant, il est 6e, hein, il est loin, mais voilà. Et bien entendu, il y a encore beaucoup beaucoup de rallyes à venir. Il n'était pas présent sur ce rallye de Suède. Hein, il était à Monte Carlo. Donc voilà pourquoi il est loin, mais bien sûr, il aura largement le temps de se refaire et d'aller chercher. Pourquoi pas un nouveau titre? Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. La prochaine étape, d'ailleurs, ce sera le Kenya. Ce sera du 12 au 15 mars, mais bien sûr, on en reparlera à ce moment-là. Allez, une pause et on se retrouve, juste après. Hugo qui va nous retrouver. Les directs, bien entendu, aussi, hein, qu'on va suivre. On va aussi revenir sur tout ce qui s'est passé toute la semaine passée. On fout plein de choses, hein, bien sûr, Ligue des Champions, les barrages, voilà, il y a plein de choses encore qui se sont passées, donc on va revenir sur tout ça. Donc les directs, ça n'a pas bougé, et le début des matchs dans une minute maintenant en Angleterre et en Espagne. Allez, on marque une pause et on se retrouve donc dans 3 minutes 30, étant écouté ce titre qui part, c'est Saint-Motel, My Tip, que l'on écoute dans une poignée de secondes, et juste après donc, ce sera Hugo, donc 3 minutes 28, allez, pour être précis, et après bien sûr Hugo que l'on retrouve, à tout de suite. 21h03 sur Arc-en-Ciel. Si vous nous rejoignez, c'est la Red Arc du Sport, toujours en direct jusqu'à 22h30, 40. Allez, on va essayer d'être le plus à l'heure possible ce soir. En tous les cas, eh bien, si vous êtes en vacances, profitez-en. Sinon, bon courage à vous. On est ensemble, en tout cas, avec Hugo qui nous a retrouvés, qu'on va retrouver cette fois de manière plus facile, hein, que ça a été un peu plus compliqué la semaine dernière en fin d'émission, mais cette fois tout fonctionne, ça y est, la technique est de retour, donc ça va être un peu plus pratique. En tout cas, salut Hugo, à toi. Salut Rémi, à toi. Comment ça va? Ça va très bien, nouvelle semaine de foot encore une fois, donc tout va plutôt bien, écoute. Ouais, on va revenir sur tout ça, il s'est passé plein de choses encore. Il va s'en passer encore plein cette semaine aussi, bien sûr, encore. Donc, on va revenir sur tout ça. Les directs aussi que l'on suit. Donc, Angleterre, c'est parti, Everton United. C'est parti aussi en Espagne, Alavés, Gérone. C'est parti depuis 20 minutes maintenant en Ligue 2, Le Mans, Guingamp. Match très important pour Le Mans. On va revenir sur la Ligue de tout à l'heure aussi, hein. Où pour l'instant, 3 reste leader. Mais c'est vrai que c'est en dents de scie, hein, 3 depuis quelques temps. On en parlera peut-être tout à l'heure, ouais, mais ouais. La victoire a fait du bien. Hein. Ouais, compliqué, c'était compliqué, c'était gros match. Il fallait gagner. Puisque derrière, en plus, ça a gagné, donc voilà. Saint-Etienne aussi, on reparlera qui est passé deuxième. Donc c'est vrai que ça a un peu chamboulé ce championnat. Et puis Le Mans, l'occasion de repasser deuxième ce soir, donc match très important pour Le Mans. Et puis tu sais aussi l'Italie. Pour nous, Bologne, l'Udinese, bien sûr, si ça bouge, tu nous alertes, tout comme l'Angleterre. Ouais. Ces deux matchs-là, et puis bien sûr les autres matchs, on les oublie pas, on les suit aussi en fil rouge. L'occasion pour nous de revenir sur tout ce qui s'est passé en Ligue des Champions aussi. On va revenir sur les barrages. On va revenir aussi pour ce qui s'est passé en championnat, bien sûr, hein, avec bien sûr la Ligue 1. Il y a eu pas mal de choses encore ce week-end. On va revenir sur Paris qui est repassé leader. Lens qui a perdu sa place de leader justement avec un match face à Monaco. Il s'est passé plein de choses encore aussi, donc on va revenir sur tout ça. Commençons avec les barrages. C'était en milieu de semaine, hein, mardi et mercredi. On va revenir sur, bien sûr, Monaco-Paris en premier, hein, bien sûr, qui nous a intéressé un peu plus que les autres. Donc Paris qui part avec un avantage au retour, mais on était un peu loin de se douter du scénario quand même dans ce match. Bah oui, parce que effectivement, on n'était pas ensemble pour voir ce match, Rémi, mais on s'est forcément échangé quelques messages. Et pour le redire pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, t'es plutôt sympathisant, hein, de Monaco, donc c'est vrai qu'on était le premier surpris, et moi aussi, je pense qu'on n'était pas les seuls, mais à voir cette entrée en matière assez fulgurante de l'ASM, avec déjà ce but dès la première minute de Balogun, et en fait c'est quasiment plus sur leurs deux actions qu'ils ont, en fait. Ouais. C'est presque leurs deux seules occasions qu'ils ont en 20 minutes, et ça fait deux buts et le doublé de Balogun pour Monaco, donc dès la 18e. Donc c'est vrai que c'était assez fou de voir ce départ tonitruant de Monaco. Alors, on sait que Paris a du mal un petit peu à gérer tout le long de ses matchs, tous ses matchs depuis ce début de saison, après l'énorme saison qu'ils ont faite l'année dernière, bien sûr. Mais de là à voir Monaco, qu'on connaît bien sûr là dernièrement, qui est en méforme quand même depuis plusieurs mois, c'est vrai qu'on était loin de s'imaginer ce début tonitruant. Mais voilà, on a vu le PSG continuer à avoir le pied sur le ballon tout le long du match, et le PSG est logiquement revenu ensuite, hein, juste avant la demi-heure de jeu, juste avant la pause avec Hakimi. Et puis malheureusement pour Monaco, il y a aussi ce carton rouge qui arrive de façon précoce et un peu débile aussi, oui, ouais. Bien sûr, de Golovin. C'est pas lui qui a déjà pris un rouge en plus en championnat. Si, le week-end d'avant, ouais. Ça lui a pas suffi. C'est ça. Puis je crois que Pocconioli a pas forcément eu des mots. Est-ce qu'il a pas pris de pincette, pour cacher sa grosse déception, si ce n'est oui son énervement de revoir ce genre d'erreur, surtout à ce niveau-là de la compétition, contre cet adversaire-là. À ce moment du match où t'as déjà marqué deux buts, alors il y avait deux partout à ce moment-là, mais où finalement tu voyais que tu pouvais quand même piquer sur des contres la défense parisienne. Donc c'est vrai qu'il y avait peut-être encore la place pour Monaco d'aller rechercher un troisième but, sur un contre avec beaucoup d'efficacité comme ça a été fait dans le début du match avec Balogun. Donc confrontation assez on pouvait vraiment pas s'y attendre à ce visage de Monaco, même si oui, encore une fois, Paris a quand même eu le pied sur le ballon largement. De toute manière, sur l'entièreté de ce match, hein, il y a quand même 80% de possession en faveur de Paris, donc ça veut tout dire aussi. 36-7, alors après forcément, oui, c'est dû aussi à cette infériorité numérique qui arrive en seconde période, on le disait, mais Monaco, voilà, a su montrer des bonnes choses, a su bien manier ses facilités, j'ai dit, forcément, en faisant ce qu'il faut devant, avec Balogun qui a été en plus très très adroit, je le disais, sur ces deux actions, presque deux seules actions franches qu'ils ont eues en début de match. Donc non, franchement, c'était vraiment une belle rencontre quand même, mais c'est vrai que dommage, j'aurais aimé voir ce match un peu plus longtemps à 11 contre 11, ça aurait peut-être pu être intéressant. C'est vrai que c'est dommage, parce qu'il y avait peut-être moyen d'aller accrocher le nul. Après, c'est vrai qu'à 10, quand tu vois les chiffres, bon, c'est un miracle hein, de perdre que d'un but, hein. Ouais. La possession 80-20, c'est, et puis le nombre de tirs, 30 tirs pour Paris, bon, 10 seulement cadrés, mais c'est un miracle de ne pas perdre plus dans ce match. C'est ça. Après, petit pour être côté parisien, petit point noir, c'est forcément la sortie aussi ouais. Tout de Ousmane Dembélé une nouvelle fois avec sa blessure au mollet. Bon, ça a été un choix de toute manière assumé hein, du joueur, de Enrique, de le faire démarrer. Bon, ben voilà, ça pose encore des questions sur non seulement peut-être le staff médical de l'équipe, mais aussi de qui prend les décisions. Est-ce que ça a été le joueur qui a vraiment dit je veux jouer? Est-ce que c'est Enrique forcément qui a dit, qui sentait que c'était obligatoire de le faire démarrer? Bon, voilà, il y a beaucoup de questions à soulever, des réponses à donner. On verra bien, mais en tout cas. Voilà, dans tous les cas, ça reste une très mauvaise nouvelle pour le PSG de perdre ce joueur-là, bien sûr, son ballon d'or. Mais bon, pour le coup, sur le match en question, alors certes, tu perds potentiellement ton meilleur joueur, mais derrière, t'as Désiré Doué qui rentre et qui fait toute la diff et qui vient taire les critiques qu'il avait pu avoir sur lui récemment, quoi. Avec ce doublé. Ouais, finalement, ça a été, presque. Un mal pour un bien, ouais, je sais pour pas, Doué, mais... en tout cas, pour Doué, oui, pour ça, Doué, a été, oui. Ça a été un élément qui a. Déclencheur pour lui, et c'est vrai que ça lui a permis de faire une belle perf et Dembélé, ouais, c'est bon, c'était le risque, hein, de toute façon on le savait, hein, et ça a pas payé. Alors pour le moment il est encore incertain, il a poursuivi les soins aujourd'hui aux côtés de Fabien Ruiz aussi, hein, d'ailleurs, lui qui est blessé depuis un moment, hein, depuis le 20 janvier, parce que toute l'équipe était au repos, hein, du coup aujourd'hui, oui. Les Parisiens sauf c'est de là qu'on fait leurs soins. Il y a un point qui sera fait demain pour savoir si ça peut le faire pour mercredi. Pour Ruiz, lui, c'est un peu plus sérieux, c'était une blessure au genou gauche, donc il a aussi repris le travail individuel cette semaine, donc on ne sait pas s'il sera de retour, mais en tout cas les deux ont été aux soins aujourd'hui. Il y a un nouveau point qui sera fait demain, il y aura un entraînement d'ailleurs demain pour les Parisiens qui vont prendre le chemin des terrains, et on saura ensuite si les deux peuvent jouer. Voilà, en tout cas pour Paris pour mercredi. Pour Monaco, pas de blessure, de nouvelles blessures à signaler en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que Golovin sera forcément suspendu pour ce match-là. Mais voilà, tout est encore jouable, hein, même si là ce sera au Parc en plus. Mais je veux juste redire un truc, parce que c'est vrai que sur le penalty qui arrive juste après le deuxième but de Monaco, le penalty pour Paris, vous faites, c'est n'importe quoi sa faute quand même. C'est grossier, pas besoin de faire ça. Non, c'est fou, non mais j'étais fou parce que je mène 2-0, t'as pas du tout le match en main, mais en tout cas tu mènes, t'as deux buts d'avance, c'est presque un miracle, et tu vas faire cette faute qui. Bon, heureusement, le gardien, c'est même pas un accident. Ouais, que la sort bien. Que la sort bien, ouais. Le Vitinha le sort pas forcément très bien. Oui. Ça, c'est sûr, mais en plus, voilà, il y a tout qui tourne en ta faveur, quoi, à ce moment-là du match. Oui, quoi, c'est ça. Bon. C'est dingue, mais pour la faute de Faes, elle est. Franchement, j'ai halluciné, quoi. En plus, c'est son tout premier match de sa carrière en Ligue des Champions. Commencer par faire ça, ouais. Je crois d'ailleurs que chez nos confrères de l'équipe, c'est celui qui a eu la plus mauvaise note. Deux ou trois. Du match. Je crois qu'il a eu trois. Même, ouais. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il sera là au retour, mais en tout cas, il n'y a pas trop de choix aussi. Hein, c'est ça le problème. Hein, pas trop le choix. Ouais. C'est que c'est compliqué, hein, la gestion pour Gognoli. Mais... Bon, voilà. En tout cas, c'est pas plié. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un vrai match retour. Si Monaco marque tout de suite un but comme là, comme à l'aller, ça peut tout relancer. Donc c'est bien. C'est bien que ce soit pas plié. J'ai quand même. J'y crois moi. J'y croyais déjà pas à la base dans le match aller. C'est pour ça que je pense qu'on était tous un petit peu sur les fesses de voir, comme je l'ai dit, ce gros début de match de Monaco. Mais là, ouais, quand même, sur deux matchs, encore une fois, au parc en plus. Ouais. Et, après, pourquoi pas, hein, essayer de refaire deux fois un peu la même copie. Mais bon, il va falloir non seulement déjà pas prendre de carton rouge, ce serait bien. Oui, comment c'est par ça, tenir 90 minutes, si ce n'est plus, du coup. Sait-on jamais. Oui, voilà, mais faut remettre un petit peu les mêmes ingrédients, la même envie, chez chaque joueur surtout, le même investissement. Il faut un appui ouf des grands soirs. Je l'ai trouvé pas si mal au début de match, justement, à l'aller, mais bon, il est sorti, je crois, à l'heure de jeu, un truc comme ça, appui ouf. Mais pour moi, il manque toujours encore ce petit truc en plus qu'il est censé apporter dans l'attaque, dans l'attaque monégasque, quoi. Et là, en plus, t'auras aussi Golovin en moins, forcément, sur ce match-là. Donc, non, ça fait encore des joueurs en moins, quoi. Donc, c'est sûr que ça sera encore moins simple, je pense, pour Monaco, mercredi, c'est sûr. Ouais. Bon, on verra tout ça. Très rapidement, les autres matchs, on va parler à but, tiens, alors deux buts, hein, Alavés qui a ouvert le score face à Gironde. Et puis, à l'instant, Le Mans qui a ouvert la marque face à Guingamp. Donc ça fait 1-0 dans ces deux matchs-là. Et voilà, pour le moment, c'est très important à la demi-heure de jeu. Donc voilà, et pour l'instant, les deux matchs où ça a marqué très rapidement. Donc d'abord, la surprenante victoire. Alors surprenante, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, large défaite même de la Juve, c'est ça qui est incroyable, c'est de perdre autant. 5-2. Alors c'est pas mort, mais c'est mal engagé quand même pour la Juve. Et on en parlera. C'est mal engagé, mais Galatasaray c'est un peu le type d'équipe qui peut se faire remonter. Enfin en tout cas c'est que je suis pas un grand supporter du championnat turc, mais j'avais déjà dit que je louais dernièrement les qualités de Galatasaray et de son recrutement et de son attaque notamment. On l'a vu sur ce match-là. Même si la Juve a pris un rouge aussi à un moment donné dans la seconde période, ce qui a pu influer bien sûr sur le cours de la fin du match. Mais voilà, j'ai des amis qui sont d'origine turque et qui suivent beaucoup et qui sont fans de Galatasaray. On m'a vraiment confié que c'était quand même le type d'équipe aussi pouvoir se faire prendre dans un match retour comme ça. Et après, la Juve à la maison, c'est jamais aussi. Donc, on verra bien, mais je pense que ce match peut être passionnant, ce match retour quand même, mine de rien, parce que c'est pas non plus insurmontable. C'est vrai, c'est trois buts d'écart, c'est quand même énorme. On a vu Darmontada pire. À voir. Mais en tout cas, oui, grosse défaite pour la Juve et belle victoire, très belle. Très, très, très, très beau match de Galatasaray à domicile, mine de rien, la semaine dernière. Ouais, on le verra, la Juve, qui a vécu une mauvaise semaine et qui a pas bien préparé son retour, qui a perdu encore en championnat. Donc, on va y revenir tout à l'heure, mais en tout cas, c'est pas la meilleure préparation avant le retour. Le Real, très rapidement, vainqueur à Benfica. Le minimum, hein, strict minimum avec Vinicius qui est le seul buteur. Rien n'est fait, hein, pour le Real. Même si le retour à domicile sera certainement différent, mais c'est encore un Real poussif. Enfin, on va le voir en championnat aussi, de toute façon. Oui, c'est dans la continuité de ce qu'ils nous proposent depuis le début de saison. Moi, il n'y a pas et même presque depuis l'année dernière aussi déjà. Donc, moi, il n'y a pas de surprise. Après, le match a aussi beaucoup été mis en avant dernièrement, forcément avec les propos qui seraient racistes de la part de Presciani, joueur argentin, envers Vinicius. Alors, je sais pas si on peut en reparler vite fait, mais bon, voilà, après, on attend de voir ce que ça va donner. Là, on sait que l'UEFA l'a suspendu quand même, au moins pour le match de mercredi. Ouais. Après, c'est sûr qu'on a surtout mis la lumière et, à juste titre, sur cette affaire, parce que si elle s'avère vraie, c'est vrai que c'est un pur scandale et il n'y a rien à dire là-dessus. Mais oui, encore une fois, on a vu une piètre performance du Real Madrid et tu l'as dit. Ça a été la même chose ce week-end, sauf que là, ça a mal tourné. On en parlera dans quelques instants. Exactement. Avantage à Dortmund à l'aller, hein, victoire 2-0 face à Bayern. Rien n'est fait, encore Guirassy buteur, hein, qui va, bon, là, on en a parlé il y a quelques semaines, qui va bien mieux. Hein. Enfin, la semaine dernière, ouais, je l'avais dit, on l'a retrouvé le serial buteur. Ouais. C'est ça, donc avantage même si rien n'est fait, mais en tout cas, ils partent avec une petite option. Newcastle, qui a une très très belle option avec victoire 6-1 face à Karabag. Bon, qui est très logique, hein. C'est vrai que Karabag s'était qualifié, c'était d'ailleurs un peu une surprise. T'avais surpris en face de Ligue 1, vous avez bien surpris quand même. Hein. Voilà, pour le coup, peut-être la limite est atteinte et là, ça va être très très compliqué. Alors là, c'est surprenant, c'est la défaite de l'Inter à Bodø/Glimt. Là, c'est une vraie surprise. On avait dit Bodø/Glimt de se qualifier en barrage, mais là, ils sont en passe peut-être de se qualifier en huitième. C'est une vraie belle surprise. Hein. Ouais, ils ont sorti le gros match, franchement, de dingue chez eux. Sur leur terrain synthétique dans le grand froid de la Norvège, mais ouais, non, ils ont fait le match parfait, honnêtement. En attaque, ils ont vraiment su Très très efficace dans le dernier geste et puis surtout en défense quoi. Ils ont vraiment su museler l'Inter à part bon sur l'égalisation un partout à la 30e d'Esposito, mais ils ont vraiment su être très très costauds défensivement. Et non, ils ont fait très... non. Ah oui. Non, rien à voir. Rien à voir, c'est pas la même personne. Peut-être un cousin. Éloigné, ouais. Mais non, ils ont fait le match parfait, honnêtement, quasi. Cette équipe de Bodo Glimt, j'ai hâte de voir aussi le retour à Giuseppe Meazza à Milan, voir ce que ça va donner, voir s'ils seront dans la même continuité, dans le même état d'esprit. Mais j'espère en tout cas pour eux, parce que c'est vrai qu'ils nous ont montré vraiment un très très beau visage mercredi dernier. Ouais, l'Inter un petit peu méconnaissable. Bon, ça s'est mieux passé, on le verra en championnat. Mais il y a du boulot, même si bon, il y a que deux buts, c'est pas beau, c'est pas énorme, mais il va falloir être bon au retour. C'était ça que je voulais dire. Ah bah c'est pas ouais, bon, c'était super. Je l'avais, Évidemment je suis pas au bon endroit dans la musique, donc l'effet de surprise est raté. Exactement. Merci d'avoir. Voilà, c'était ça. Voilà. Merci. Merci. On l'embrasse en tout cas. S'il nous regarde, s'il nous écoute. On continue avec très rapidement donc la victoire du Bayer Leverkusen qui a battu l'Olympiakos à l'extérieur. Donc Patrick Schick doublé pour lui en 3 minutes. Donc l'affaire a été réglée. Pareil, rien n'est fait non plus. Hein. Même si deux buts, c'est après en recevant en retour, ça peut être une belle option quand même. Oui, ça reste une belle option pour Leverkusen évidemment. Même si on verra aussi. Ce week-end ne s'est pas passé comme prévu pour eux. Ils étaient sur une bonne dynamique, Leverkusen. On va voir ça dans quelques minutes en Allemagne. Mais il y a un petit faux pas ce week-end en championnat. Mais je pense que oui, à domicile, ça devrait le faire. Le barrage retour demain. C'est une équipe de l'Olympiakos qui est pas très en jambes, mais qui fait plutôt preuve, en tout cas sur ce match-là, d'une faiblesse par rapport à Leverkusen qui est assez grande. Et puis le match où il y a le plus de suspense, c'était Bruges-Madrid. Pas de vainqueur. C'est donc d'ailleurs le seul nul de ces barrages allés. 3 partout. Tico qui n'a pas réussi à garder son avantage. Et du coup, il va falloir être entreprenant au retour. C'est ça. Il va falloir. Je le disais encore il y a deux semaines, je le disais la semaine dernière. C'est l'équipe qui n'arrive pas forcément à enchaîner les grandes prestations de matchs d'affilée. Là, il y a eu ce 3-3 là où ils se sont fait remonter deux fois au score à Bruges. Ils gagnaient 2-0, ils se sont remontés à 2-2. Ils reprennent le 3-2, puis en toute fin de match, ils se sont égalisés 3-3 là-bas. On sait aussi que Bruges à domicile, c'est très costaud cette saison. Donc on pouvait s'attendre à ce résultat-là. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas forcément surpris de voir ce scénario-là face à deux équipes quand même assez joueuses. Donc voilà, l'Atlético, on verra aussi tout à l'heure, mais a gagné plutôt haut la main quand même ce week-end en championnat. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils s'en prennent les pieds dans le tapis demain, même à domicile, et que peut-être que Bruges en sort quand même la petite surprise demain. Quoi. C'est demain, c'est ça, le retour, donc 18h45. D'ailleurs, ce sera un avancé, tout comme Bergame-Dortmund, et puis les autres matchs. Seront 18h45 c'est ça demain exactement, et ce sera mercredi hein, ce Dortmund à 18h45, et puis demain vous avez aussi donc Leverkusen Olympiakos, Inter Bodo Glimt, Newcastle Garabag, et puis donc mercredi bien sûr le Paris Monaco retour, Juve Galatasaray et Real Benfica à 21h. Voilà donc ces retours, les mêmes matchs finalement. Finalement, quand on regarde bien, c'est bien foutu d'ailleurs, hein, quand même, c'est bien foutu. Hein. C'est bien fait le tirage au sort. Hein. Ah, c'est franchement, je sais pas comment faudrait m'expliquer, mais c'est quand même chier comme truc. Hein. Ah, ouais, très très belle organisation de l'UEFA. Ouais, chapeau bas. Ah, on peut leur tirer un coup de chapeau, exactement. Alors les directs, ça ne bouge pas. On file en Allemagne. Allez, on intacte le débrief. 21h22. Allez, on va essayer d'être efficace. Journée surprenante en championnat, puisque hormis le Bayern. Personne n'a gagné derrière dans les favoris, donc grosse perf du Bayern qui quand même elle s'est fait peur en fin de match quand même. Ouais, exactement, avec cette victoire 3-2 contre Francfort à domicile, donc oui, victoire importante pour le Bayern, une semaine, oui, on le tease depuis déjà quelques semaines, ce fameux classico contre le Borussia Dortmund, donc ça arrive ce week-end, on le dira bien sûr dans quelques instants aussi, on le teasera. Donc oui, un match maîtrisé collectivement par les Bavarois avec un doublé d'Harry Kane, encore une fois monstrueux et multidécisif, hein, avec un doublé à la 20e et à la 68e. Pavlovic avait d'ailleurs ouvert le score dès la 15e minute, donc il y avait déjà 3-0, il y avait 2-0 à la pause et 3-0 au bout de la 68e minute de jeu. Mais bah ouais, le Bayern, tu le disais, a joué à se faire peur en fin de match durant le dernier quart d'heure où Francfort en a profité pour s'installer petit à petit dans le camp bavarois. Et puis c'est Sam Hurricane, hein, qui va à nouveau faire parler de lui en donnant cette fois-ci un penalty à l'adversaire en cherchant à dégager le ballon pour lancer un contre. Il va toucher un joueur de l'Eintracht. Et puis ça va être Burkhardt donc qui va réduire la marque à la 76e, ça fait 3-1. Et c'est Arnaud Kalimuendo, hein, bien sûr, hein, qui joue à l'Eintracht maintenant, qui est prêté, qui va encore réduire la marque à 3-2, 10 minutes plus tard, un petit peu en renard des surfaces, avec un bon pressing de sa part sur le défenseur sud-coréen, Kim. La défense bavaroise qui s'est mise en difficulté toute seule, hein, sur cette action-là. Une mauvaise passe dans sa propre surface de Joshua Kimmich pour son coéquipier, le défenseur coréen, qui va pas du tout attaquer son ballon. Et donc je l'ai dit, Kalimuendo qui avait bien senti le coup et qui va venir contrer ce ballon et le faire rentrer dans le but où Neuer est un petit peu excentré. Donc le Bayern finit quand même par s'en sortir 3-2 malgré ces lacunes défensives qui ont été bien en vue. Il est assez évident en seconde période surtout. Mais les 3 points bien sûr sont là, c'était le principal, pour garder les rivales Dortmund éloignés au classement. Et oui, et du coup qui n'a pas réussi à gagner. En fin de journée samedi, match nul à Leipzig. Alors c'était pas face à n'importe qui, à Leipzig quand même qui est aussi très proche au classement, qui va chercher l'Europe, hein, et même la Ligue des Champions. Donc pas de vainqueur, ça arrange évidemment personne, encore moins Dortmund du coup qui se voit à 8 points désormais du Bayern. Oui, mais Dortmund qui, de justesse, a pu sauver un point de ce match, de ce top spiel, parce qu'ils étaient plutôt mal embarqués en étant menés 2-0 à la pause, sans se procurer en plus de grosses occasions en première période. Au contraire, ils avaient même plutôt subi les assauts des joueurs de Leipzig, notamment sur le couloir gauche, où ça passait très souvent, hein, côté Leipzig à gauche, avec Yann Diomandé, passeur décisif sur le premier but pour Baumgartner à la 20e, mais encore aussi à la 39e, hein, sur un nouveau centre qui va arriver de la gauche une nouvelle fois sur Christophe Baumgartner, qui va marquer son doublé. Lui d'ailleurs qui réalise un petit peu la saison de sa vie, hein, actuellement à Leipzig, l'attaquant autrichien. Mais Dortmund qui va vite revenir après la pause avec un 10 buts, cette saison. Ouais, exactement. 10 buts après ce doublé qu'il a marqué là sur ce match-là. Et Dortmund qui va vite revenir après la pause avec un CSC sur corner, CSC du malheureux Romulo. Et il faudra ensuite attendre, tu l'as dit, la toute fin de match pour coller totalement au score pour le BVB, la 90+5 avec Karim Adeyemi qui va bien être lancé par Julian Brandt, le jeune Allemand qui va se présenter à droite de la surface et offrir presque un caviar à Fabio Silva qui va conclure petit filet opposé. Donc ça fait deux partout fin du match. En réalité ça a été un match un peu à 50-50 où chacun a eu quelques temps forts. C'est resté globalement un match plaisant et assez ouvert, mais sans réel emballement pour autant, j'ai trouvé. Tout ce qu'on sait, c'est que quand même avec ce point du nul, la course au titre est toujours là entre Dortmund et le Bayern. Mais une victoire du BVB aurait forcément été préférable pour relancer vraiment le suspense. Pour, je le disais, le gros choc, le classiqueur qui arrive le week-end prochain, parce que là, pareil, tu l'évoquais, 8 points séparent maintenant le Bayern du Borussia Dortmund. Donc c'est dommage d'avoir ce petit coup de frein pour Dortmund juste avant le gros choc. C'est dommage pour le suspense dans ce championnat. Et personne n'en a profité. Il y a un Stuttgart qui aurait pu en profiter. C'était hier en fin de journée, hein, puisque personne n'avait gagné. Et ça ne l'a pas fait non plus pour Stuttgart, match nul à Heidenheim. Dernier, hein, c'est vraiment un très très mauvais résultat pour Stuttgart, qui aussi a égalisé en fin de match et qui a sauvé un point en fin de match. Hein. Ouais, alors qu'ils ont isolé le ballon globalement tout le match, hein, mais c'est vrai que oui, ils ont vraiment fait une mauvaise opération. C'était très compliqué défensivement et tu le disais, hein, toute fin de match, ils reprennent ils reviennent au score à 3-3. Donc franchement, c'était pas loin de vraiment la grosse déroute pour Stuttgart. Et c'est sûr que face à la Lanterne Rouge, c'est forcément une très mauvaise opération dans la course à l'Europe. Alors ils sont toujours quatrième, hein, Stuttgart, ils sont toujours bien placés pour la Ligue des Champions. Mais maintenant ils sont à 3 points d'Offenheim, ce qui est le premier sur le podium. Et Offenheim, heureusement, tu l'évoquais rapidement, mais n'a pas gagné non plus. Et oui, c'est ça. Offenheim, qui a fait match nul aussi. Hein. Personne vraiment a profité des faux pas pour s'extirper un peu de cette position. Le Bayern qui a fait bien pire, qui a perdu 1-0 à l'Union Berlin. bon, qui est plus loin, hein, le Bayern qui a 39 points, mais qui a apporté quand même de l'Europe. Donc il n'en a pas profité non plus. C'est Fribourg finalement l'équipe un petit peu moins bien classée qui a réussi à gagner 2-1 face à Mönchengladbach, mais qui reste loin quand même, hein. On le voit qu'il y a encore à 6 points du Bayern. Donc c'est vrai que c'est quand même il y a encore un peu d'écart, et puis Bayern qui a toujours ce match de retard, on le rappelle, hein, donc potentiellement même cette sixième place, elle est encore plus loin. Le Bayern jouera, on avait dit c'était le 4 mars son match de retard pour totalement remettre à jour ce classement, mais voilà, personne vraiment a profité de tout ça dans ce week-end allemand. Le classement, donc, on l'a dit. J'ai oublié de le dire, juste sur Cologne-Hoffenheim, je sais pas si t'as vu, mais je vous encourage tous à aller voir. L'ouverture du score exceptionnelle pour Cologne, je sais pas comment se prononce son nom de famille, Ragnar H, je sais pas du tout, c'est un attaquant néerlandais, mais qui a sorti une bicyclette d'anthologie dans la surface. Il est monté haut, peut-être pas à la manière de Ronaldo contre la Juve, mais franchement une magnifique bicyclette qui finit en pleine lucarne. Donc je vous encourage à aller voir le premier but de Cologne ce week-end contre Hoffenheim, il est tout simplement sublime. Bon bah écoute, je vais regarder ça. Et Probablement le but de la saison. Ça me fait penser un peu au but de Cristiano Ronaldo, Juve. Exactement ce que je viens de dire, mais merci. Ah pardon, j'ai pas écouté, j'étais en train de chercher le but, c'est pour ça. Oui, c'est vraiment, c'est un copier-coller, effectivement, ouais. Ce que je disais, peut-être il saute un poil moins haut que Ronaldo, parce qu'on connaît vraiment la détente phénoménale que avait et qu'a toujours quand même CR7, même encore à son âge, à 41 ans, mais oui, c'est vrai qu'elle est assez similaire, et non, elle est parfaitement prise, en pleine lucarne, en pleine lunette, il saute haut quand même, oui, donc non, franchement, je vous encourage tous à aller voir ce top but si vous ne l'avez pas vu. Le classement, donc, on y revient, avec donc pour l'instant le Bayern, donc leader avec 60 points, le deuxième c'est Dortmund 52 points, après il y a un petit écart avec Hoffenheim 46 points, troisième Stuttgart est quatrième 43 points, Leipzig suit derrière avec 41 points et Leverkusen complète le top 6 avec 39 points. On a bien sûr les prochains matchs, hein, de cette 24e journée, on l'a dit, évidemment Dortmund Bayern Munich, c'est samedi à 18h30, et évidemment une victoire du Bayern et c'est plié, hein, on peut le dire. Je pense que là, s'il y a 3 points en plus, ça fait 11 points d'avance. Je pense que là, même si le Bayern a un ou deux faux pas d'ici la fin de saison, il faudrait vraiment qu'il s'écroule. Mais non, mais oui, là c'est le match du titre. Enfin, si j'ose dire, même si Dortmund gagne, il y aura toujours de l'avance pour le Bayern. Il y aura 5 points encore d'avance quand même. Mais voilà, Dortmund, c'est le moment ou jamais là de gagner sur le grand jeu, parce que oui, tu l'as dit, après, sinon ce sera mort. On peut se dire éventuellement Francfort-Fribourg dimanche, on va dire pour l'Europe, entre le 7 et le 8 et le 7e, voilà, parce qu'on peut encore jouer, hein, mais pour le reste, il n'y a pas de grosse affiche. Il y a déjà celle-ci, hein, c'est déjà pas mal, mais pour le reste, il n'y a pas de grosse affiche. La relégale, donc toujours Saint-Pauli, Barragiste, Brême et Heidenheim, donc toujours relégable, mais qui a pris un point, peut-être qu'il comptera Heidenheim, même s'ils sont un peu reculés. Les directeurs, ça a bougé à l'instant, égalisation de Gérone, à la base Gérone, un partout. Il reste, allez, grosse quinzaine de minutes avant la pause. La Ligue 2, ça va être la mi-temps dans quelques instants. Le Mans mène sur 1-0. C'est la mi-temps aussi bientôt en Italie. Bien sûr, tu nous tiens informé, ça n'a pas bougé entre Bologne. Ouais, toujours 0-0. Et puis Everton dans, United. Dans 20 minutes. Très important sur Everton United, parce que United peut, en cas de victoire, passer seul quatrième. Donc c'est un vrai match important. On le verra en Angleterre, ce qui s'est passé aussi ce week-end. Mais pour le moment, Chelsea, Liverpool, United sont à 45 points. United, mais avec un nul, pourrait passer seul quatrième, mais avec une victoire, serait vraiment seul, avec un bel écart. Donc c'est un match vraiment important pour United. Everton aussi à moindre mesure, mais qui peut, en cas de victoire, essayer de recoller un peu ses équipes européennes. Donc c'est quand même un match important pour ces deux-là. L'Italie maintenant, alors il s'est passé plein de choses aussi en Italie. Et évidemment, c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Allemagne, pratiquement, voilà, le leader a gagné, les autres sont un petit peu écroulés, donc c'était une journée un petit peu particulière, un peu bizarre aussi en Italie. On va démarrer par la Juve, justement, on en a parlé tout à l'heure, qui s'était écroulée complètement donc en Ligue des Champions. Bah voilà, ça, c'est un petit peu la continuité de cette journée de Ligue des Champions. La Juve qui perd encore, donc cette fois-ci c'était sur sa pelouse face à Côme. C'est juste un tout petit peu pour revenir un tout petit peu en arrière. Le Milan aussi qui avait un match de retard la semaine dernière, match en retard et qui a pas pu faire mieux qu'un match nul face à Côme, un partout. Et Côme du coup qui a enchaîné dans la même semaine en battant la Juve. Donc ça a été une belle semaine quand même pour Côme, qui aura pris 4 points sur 6 face à des gros calibres. Donc On l'avait dit lundi dernier, on avait dit qu'ils avaient deux gros matchs d'affilée Côme, et ils ont bien géré. Plutôt bien géré ça. Ouais. Et ils sont 6e désormais, donc c'est une très belle semaine pour eux. Pour revenir sur le match, ça démarre assez vite, hein, 12e minute, c'est l'ouverture du score de Côme, Vojvoda qui va donc profiter d'une erreur de Di Gregorio, hein, gardien de la Juve, d'abord un crochet assez astucieux pour décocher une belle frappe, et une vraie erreur du gardien qui va mettre sa main mais pas suffisamment et qui va détourner le ballon dans son propre but. Donc vraiment une erreur bête qui permet à Côme d'ouvrir le score. 38e, donc juste avant la pause, il y a même pu avoir 2-0 pour Côme avant la pause. Une erreur de relance catastrophique de la Juve, vraiment j'ai jamais vu, enfin à ce niveau-là c'est rare, et qui va donner le ballon tout simplement à l'attaquant de Côme. C'est Dacuña qui a trouvé la barre et ça s'est fallu de peu, donc on en reste à 1-0 à la pause. Ce qu'il va falloir attendre l'heure de jeu pour voir de nouvelles choses, c'est un deuxième but pour Côme, c'est Maxence Cacré qui va récupérer une offrande de son coéquipier qui simplement qui a poussé le ballon au fond des filets dans le but vide. Donc un but tout fait qui permet à Côme de donc mener 2-0. Et puis le seul frisson pour la Juve, il est à la 84e, il a fallu attendre longtemps, hein, un dernier coup franc donc qui va trouver le poteau. C'est vraiment le seul frisson pour les supporters de la Juve. Donc score final 2-0 pour Côme sur ces deux seuls tirs cadrés, hein. C'est vraiment du 100% réalisme pour Côme, qui était réaliste. En revanche, la Juve 3 tirs cadrés, pas de but, la différence elle est là pour la Juve qui est vraiment sur une sale semaine, qui 5 matchs sans victoire, hein, pour la Juve, toute compétition défendue d'affilée. C'est un qui on retrouve un peu le Juve. 4 défaites et 1 nul, hein. On retrouve un peu le Juve de du début de saison là où qui avait fait pareil, qui avait enchaîné plus que ça même, qui avait enchaîné presque 10 matchs, j'exagère, mais il y avait 8 matchs en victoire, voilà. Il y avait eu de mi-septembre à fin octobre, il y avait eu 5 matchs nuls d'affilée en fait, je comprends, ils sont confondus, après il y avait eu 3 défaites d'affilée, mais là tu l'as dit, une période compliquée là, c'est en train de vivre. Effectivement, ils ont été éliminés, on le rappelle, début du mois en quart de finale de Coupe d'Italie. Ouais. Ils sont peut-être pas loin d'une élimination en Ligue des Champions, effectivement face à Galatasaray. Puis là en championnat, ça perd donc 3 matchs d'affilée. Il y a un gros match qui arrive, on va le dire après, lorsqu'on va faire le programme de ce week-end, mais ils jouent contre la Roma. Donc c'est vrai que c'est une sale période pour la vieille dame. Ouais, et puis le calendrier, la semaine prochaine n'est pas simple non plus, donc cette semaine on va en reparler. L'Inter qui jouait ensuite, qui se déplaçait du côté de Lecce, l'Inter qui prend le large, hein, tout simplement, au classement, qui a vraiment dominé outrageusement ce match, hein, si on peut vous donner quelques rapides chiffres, mais ça a été ça a été incroyable, la domination de l'Inter. 24 tirs à 3, voilà, déjà tout est dit, et 9 tirs cadrés, ce qui est quand même pas trop mal, hein, pour pratiquement la moitié de ces tirs cadrés. Du côté de Lecce, aucun tir cadré, donc évidemment c'est compliqué de marquer quand on cadre pas. Beaucoup d'occasions en première période, mais beaucoup de sauvetage du gardien de Lecce, hein, qui va réussir à maintenir son équipe à la pause à 0-0. Il va falloir attendre la 51e minute pour voir ce qu'on pensait l'ouverture du score de Di Marco, mais finalement le but sera refusé pour une position logique de hors-jeu de Marcus Thuram. Donc finalement, c'est la 75e minute qui va avoir le premier but de l'Inter, donc sur un corner mal repoussé par la défense de Lecce, et c'est finalement Mkhitaryan qui va ouvrir le score. Donc 1-0 assez tardivement, mais un but qui va peut-être ouvrir vraiment les choses pour l'Inter, puisque dans la foulée, l'Inter va avoir une triple occasion de doubler la mise. Et finalement encore une des miracles du gardien sur sa ligne, et puis finalement le but du break qui va intervenir à la 82e, c'est une tête d'Akanji sur un corner qui va s'élever plus haut que tout le monde pour marquer ce deuxième but et vraiment clôturer cette victoire de l'Inter. très logique, même 2-0 c'est pas cher payé pour l'Inter, mais qui en tout cas fait une très très belle opération au classement, puisqu'on le verra, le Milan n'a pas réussi à gagner de son côté, donc très très belle opération pour l'Inter du côté de Lecce. On enchaîne avec dimanche maintenant. On avait d'abord Naples, qui est troisième, hein, voilà, qui pouvait se rapprocher de la deuxième place en cas de succès. Raté pour le Napoli qui a été même perdre du côté de Bergame. Un Naples trop défensif, hein, qui s'est fait renverser dans cette rencontre. Ça s'est pourtant bien, ça avait plutôt bien démarré pour Naples. En temps idéal, 18e minute. Ouverture du score pour une tête de Bekema sur un coup franc un peu excentré à la droite de la surface. Et puis avant la pause, Naples qui pensait faire le break avec un penalty obtenu, finalement annulé. Donc on en reste à 1-0 à la mi-temps. Et puis c'est à l'heure de jeu que ça va bouger pour Bergame. Égalisation par Pasalic qui va venir couper un corner de la tête. Donc un partout. Et puis dans les 10 dernières minutes, Bergame qui va pousser avec pas mal d'occasions. Et puis finalement qui va prendre l'avantage à la 81e. Dans ce match, donc par l'intermédiaire de Samardžić, qui va là aussi s'élever plus haut que tout le monde sur ce centre, et pour donner l'avantage final à son équipe, et donc score final 2-1, Naples qui n'en profite pas, qui ne profite pas du Milan, et qui reste troisième, très mauvaise opération. Puis pour Bergame, par contre, c'est une victoire importante, ça permet de revenir, de recoller à Côme, sixième, et de revenir à un point seulement de la Juve, cinquième, donc c'est un vrai match qui était important pour Bergame, qui a vraiment fait le job sur cette rencontre. Et on peut retenir du côté de Naples, trop défensif, hein, qui n'a pas osé assez, et ça se voit, 10 tirs seulement, c'est trop peu pour une équipe de ce calibre-là pour espérer faire mieux dans cette rencontre. Donc défaite assez logique finalement du Napoli. Le Milan, je le disais, qui n'a pas fait mieux, défaite face à Parme, là aussi dans la foulée de cette défaite du Napoli. Milan trop brouillon, voilà, qui a fini par s'incliner en fin de match, un peu à l'image de l'Inter tout à l'heure, une première période vraiment dominée largement par le Milan, plusieurs tirs, notamment Pulisic qui s'est notamment pas mal montré, qui n'a pas réussi à trouver la marque. En revanche, la faute souvent à un manque de justesse dans le dernier geste. 64e, c'est Leao qui va trouver le poteau droit sur une superbe reprise, hein, c'est consécutive à un corner mal dégagé par la défense de Parme. Et puis à force de gâcher, Milan qui va être puni à la 80e sur un corner mal négocié. Finalement, c'est la tête de Troilo qui va donner l'avantage à Parme, 1-0. Et là aussi, les chiffres ils sont assez significatifs, hein. Le Milan qui a tenté un 25 tirs et seulement 6 cadrés et pas de but, alors que du côté de Parme, seulement 9 tirs, 3 cadrés et un but. Voilà, encore une fois, c'est un peu l'image du match de tout à l'heure où on cadre pas et on finit du coup par se faire punir. C'est ce qui s'est passé pour le Milan qui du coup reste maintenant à 10 points de l'Inter. Ça fait beaucoup quand même, 10 points, comment ça fait, hein? Ça fait pas mal, effectivement. Après, c'est la saison n'est jamais finie, mais c'est vrai qu'il y aura encore la rencontre entre les deux, mais c'est vrai que c'est des points de perdus pour le Milan sur cette rencontre, et qui d'ailleurs en plus n'avait pas gagné en semaine, donc ça fait qu'ils ont pris qu'un point sur les six, donc pour le Milan ça fait beaucoup. Et puis finalement c'est la Roma qui va profiter de tout ça, puisque la Roma jouait le dernier, hein, parmi les gros qui jouait donc hier en fin de journée, la Roma qui va s'incliner 3-0 face à Cremonese, très logique, qui a écrasé son adversaire vraiment. Qui va s'imposer, je veux dire. J'ai dit quoi, pardon? S'incliner? Ouais. Non, s'imposer, oui. Qui va s'imposer très logiquement, franchement, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, ça a été vraiment un match dominé complètement par cette équipe de la Roma. 3-0, c'est même à peine cher payé, hein, quand même. 35e, c'est Mancini qui va trouver la barre sur une tête, puis Pellegrini va se raconter ensuite sur un ciseau tenté à la retombée du ballon. On n'était pas loin de l'ouverture du score. Finalement, c'est à l'heure de jeu seulement que ça va bouger. Une tête de Cristante qui va venir couper un corner tiré au premier poteau. Ensuite, il va falloir attendre un quart d'heure plus tard. 77e, le but du break, c'est Ndika qui va donc à nouveau sur un corner mal dégagé. Un coup de billard qui va permettre finalement au défenseur central de pousser le ballon au fond des filets, 2-0. Et puis dans la foulée, 86e, le but du chaos. Pisili qui va venir parachever la victoire de la Roma. Une très belle frappe enroulée qui permet donc finalement à la Roma de s'imposer 3-0 dans ce top 5. C'est la meilleure opération du week-end puisque la Roma désormais avec cette victoire repasse quatrième avec 50 points à égalité avec le Napoli et seulement à 4 points de Milan. Donc très très belle opération comptable pour la Roma dans cette rencontre. Et puis les grands perdants, bah le Milan et puis la Juve surtout hein, voilà, qui reste à 4 points de la Ligue des Champions. Donc c'est on le disait, une période très très compliquée pour la Juve. Le classement donc actualité, donc 64 points c'est pour l'Inter premier, le Milan est deuxième 54. On l'a dit, Naples et la Roma sont à 50, la Juve est à 46, Côme recolle bien 6e 45, tout comme Bergame 45. Puis après il y a un vrai fossé hein, ça soit le 8e 35. Donc vraiment le top 7 est bien dessiné. Maintenant à savoir qui ira chercher les places sur Ligue des Champions. Bah pour ça, il reste encore Ouais, voilà, parce qu'on a déjà quasiment tous les Européens finalement de la saison. Ouais. Là franchement, c'est quand même bien dessiné hein. 10 points ça fait quand même beaucoup et on sait les 6 premiers hein, jouent l'Europe. Peut-être le 7e à voir, donc c'est vrai que c'est important de rester là et d'aller chercher le, bah, pourquoi pas la quatrième place pour la Ligue des Champions. C'est à portée de main pour tout le monde hein, finalement, puisque 5 points de retard pour Côme et Bergame, donc tout reste possible dans cette fin de championnat en Serie A. Qu'est-ce qui nous attend lors de la 27e journée? Eh bien on aura comme match intéressant bien sûr la Roma face à la Juve. Ça, ce sera dimanche après, dimanche soir même. Donc, vrai grand match, puisque la Juve doit gagner hein, pour revenir à un point. Et un peu ce qu'on disait tout à l'heure, si la Roma gagne, ce sera pas plié, mais ce sera quand même bien engagé pour la Roma. Hein. En tout cas, oui, ce sera un bon pas de fait vers la Ligue des Champions, peut-être pour le podium aussi, on verra selon... le résultat notamment du Napoli, mais en tout cas ça fera un petit fossé forcément oui entre la Roma et la Juve justement, ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, dimanche donc à Rome du coup face à la Juve, Vérone recevra Naples, voilà, ce sera pour face à la Lanterne Rouge, donc là c'est vraiment victoire impérative hein, qui est très très loin, tout comme Pise d'ailleurs, et puis Lecce, Cremonese, Fiorentina, c'est très sérieux. Fiorentina qui a gagné un match important tout à l'heure hein, dans fin d'après-midi face à Pise justement dans un duel de maths classé, donc Fiorentina est sortie de la zone rouge, donc là ça va se jouer jusqu'au bout. L'Inter recevra le Genoa, le Milan ira à Cremonese justement, le Milan AC, voilà pour les matchs donc de ce week-end en Italie. L'Italie justement c'est la mi-temps entre Bologne et Udinese. C'est la mi-temps pratiquement en Angleterre. On est dans le temps additionnel. Ouais, il y a 3 minutes de temps additionnel là. Et ouais, ça fait depuis 30 secondes qu'on est rentré dedans. Toujours 0-0 entre Everton et United. Et puis, donc à la Vézirone, 1 partout. C'est bientôt la pause. Et Le Mans-Guingamp, ça va reprendre. Il y a 1-0 toujours. Donc on le rappelle pour Le Mans. L'Espagne maintenant, on en parlait un petit peu tout à l'heure de ce Real vainqueur poussif en hein, Ligue des Champions. Cette fois, ils ont été sanctionnés en championnat avec une défaite 2-1 du côté d'Osasuna. Ouais, exactement. Après, ouais, 8 victoires consécutives en Liga, la série est stoppée par Osasuna. Il fallait bien que ça arrive hein, à force de surfer presque uniquement sur ses individualités. Et quelques fulgurances et le talent justement de ces joueurs-là, ben, ce genre de résultats devait forcément arriver et malheureusement pour le Real, en tout cas à un moment de la saison crucial où ils avaient réussi à reprendre le pas sur le Barça au classement, ça arrive maintenant, donc c'est sûr que c'est pas forcément le bon moment, mais c'est le manque d'idées dans le jeu encore une fois, tactiquement notamment, et la faiblesse dans le rythme encore une fois sur ce match, et ça finit par avoir raison des méringués. Et ouais, Osasuna qui a plutôt fait un bon match. Hein. En tout cas, ils sont allés avec leurs propres moyens. Ils sont allés assez fort dans le camp madrilène, notamment à la 24e minute où Budimir est trouvé dans les airs et il faut une énorme parade de Courtois sur sa ligne pour sauver le Real de l'ouverture du score. Et puis même à peine 5 minutes plus tard, à la 28e où Budimir encore une fois est trouvé dans les airs et le ballon va venir au sol trouver le poteau. Et donc Osasuna, voilà, c'est vraiment fait menaçant dans cette première demi-heure. Et la sentence va finir par tomber, par arriver à la 38e avec un pénalty transformé encore une fois par ce même Budimir après qu'il l'ait lui-même provoqué, voilà, parce que Courtois lui a infligé une légère semelle, donc ça fait 1-0 à la pause pour Osasuna. Voilà, au fur et à mesure, dans le second acte, le Real qui va quand même se procurer davantage d'occasions. Mais comme je le disais au début, il y a vraiment un gros manque de rythme dans le jeu madrilène, quoi. C'est des passes quasi uniquement dans les pieds. Il y a très peu de choses tentées. On sent vraiment trop peu d'idées dans cette équipe. Et il faut attendre quand même la 73e pour la réaction de la Maison Blanche, avec un bon travail de Valverde côté gauche qui va centrer et trouver Vinicius devant la cage, hein, qui va reprendre et ajuster le gardien. Et la mission finale, si je veux dire, arrive en fin de match à la 90e où Raúl Garcia va être lancé dans la surface et il va crocheter Asensio qui va tacler et partir aux fraises. Très beau crochet de Raúl Garcia et qui va battre ensuite Courtois et infliger donc cette défaite au Real qui pourrait s'en mordre les doigts. Hein, le Real s'il perdait le titre en fin de saison, tant ce match est à oublier pour eux. Donc ouais, en espérant ouais, pour cette équipe que ils s'en bougeront pas les doigts ouais, dans quelques semaines. Avant de parler du Barça qui jouait hier, l'Atlético jouait samedi en fin de journée qui recevait l'Espagnol Barcelone. Ça s'est bien mieux passé qu'en Ligue des Champions. Victoire 4-2. L'Atlético reste néanmoins quatrième. Ah, comme je vous le dis comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a deux semaines, c'est un match sur deux de l'Atlético. Bah voilà, on l'a encore vu ce week-end. En tout cas, une victoire 4-2 contre l'Espagnol Barcelone qui fait vraiment du bien hein, pour l'Atleti, après c'était trois matchs sans victoire en championnat, il fallait absolument repartir du bon pied, c'est quelque chose fait, avec notamment un grand Sorloth qui s'est offert un doublé, un Lookman toujours aussi impliqué et buteur pour la première fois en Liga, hein, depuis son arrivée au club cet hiver. Voilà, le point noir finalement de ce match, bah, c'est quand même d'avoir encaissé deux buts dans un match qu'ils ont forcément bien maîtrisé et où les Barcelonais n'ont pas vraiment existé honnêtement. Voilà, c'est eux qui ont ouvert le score tôt dans le match à la 6e, mais l'Espagnol qui s'est vite éteint après. En tout cas, comme on l'évoquait, il faudra montrer le même visage pour l'Atlético, toujours à domicile contre Bruges en barrage retour de LDC demain, quoi. Exactement. Où il y aura donc pour l'instant match nul. Tiens, Villarreal aussi qui a gagné hier face à Valence 2-1, qui reste troisième, hein, qui reste bien accroché pour l'instant sur ses places européennes et Ligue des Champions. En plus, bah finalement le top 4 c'est qui est bien dessiné, hein, le Betis Séville 5e qui a 42 points, donc voilà, les 4 premiers, même Atlético a encore un petit peu d'avance, mais Villarreal surtout 3e, bien accroché, ça sent bon quand même pour eux pour la suite et la fin de la saison. Et puis donc le Barça recevait Levante avec l'occasion de reprendre les commandes, occasion saisie, bien saisie par le Barça, vainqueur 3-0. Oh ouais, gros match du Barça et victoire qui était impérative après la déroute du Real. Le Barça qui a étouffé Levante, qui s'est montré très dangereux sur beaucoup de phases. Ouais, je pense qu'ils auraient pu facilement gagner 5-6-0 dans cette partie. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la performance de Poto aussi. De Poto aussi, et j'ai beaucoup aimé le match de Joao Cancelo, qui est de retour donc au Barça depuis cet hiver. C'est vrai qu'il fait un peu des performances en dents de scie, qui a du mal à enchaîner, pareil, des très bonnes perfs, mais là, forcément, il a fait la diff sur l'ensemble de ce match. Il est d'ailleurs au passage auteur d'une passe D. L'ouverture du score précoce du Barça, ça a annoncé finalement la tendance de la physionomie de ce match, avec le but de Bernal à la 4e. Et puis surtout, ce qu'on peut retenir, même chose, je vous encourage à aller le voir, c'est le golasso de Fermín López en fin de match pour le 3-0 à la 81e, qui va recevoir la balle à ras de terre sur corner et aux 20 mètres à peu près, un peu excentré sur la droite, il va envoyer une charge qui va atterrir premier poteau et entrer poteau rentrant dans le but de Levante. Magnifique frappe de Fermín López. Donc voilà, sur ce match, hein, que des bonnes nouvelles. Ça me fait penser un peu au but de Ronaldo. Non, c'est pas celui-là. Ça doit se trouver, hein, sur quelques buts. Comme ça. Effectivement, il est à 25 bons mètres. Hein. Ouais, 25 mètres maintenant, ouais, une petite vingtaine de mètres en tout cas. Mais ouais, très belle frappe, hein, ouais. De Fermín López pour le 3-0. Donc ouais, que de bonnes nouvelles et un bon dimanche pour le Barça. Les 3 points, 3 jolis buts justement. Le deuxième, il a été marqué par De Jong, hein, je l'ai pas précisé. Ils reprennent à la première place au Real, bien sûr. Et puis le petit must, c'était le retour de Pedri sur le terrain, qui a pu retrouver de bonnes sensations en jouant une petite demi-heure. Donc voilà, franchement, une journée parfaite pour le Barça. Qui en prend les commandes, un point devant le Real, 61 pour 60. Le Villarreal est 3ème, 51. Voilà, le top. Voilà, les deux premiers se sont envolés. Nantes, c'est avec des champions pour les autres. L'Atlético, quatrième, 48. Bétis, peut toujours y croire, hein, 42, cinquième. Puis après, voilà, Celta, sixième, 37 points. C'est pareil, hein, les cinq premiers sont quand même bien, bien connus. La connue, c'est parce que l'Atlético et le Bétis. Mais, en tout cas, pour l'Europe, c'est bien dessiné quand même. Dans ce classement en bas, Mallorca, Levante et puis Oviedo sont quand même décrochés. Hein. Levante et Oviedo sont à la peine dans ce championnat. 26e journée, belle affiche qui nous attend. Barcelone-Villarreal. Ouais, c'est un vrai test pour le Barça face à une équipe de Villarreal qui est vraiment au niveau, hein, qui a perdu que 3 matchs cette saison en championnat. Donc c'est une vraie belle affiche qui attend le Barça. Donc ça sera intéressant de voir ce que ça va donner. Ce sera 6 matchs ils ont perdu. Villarreal, tu disais ? Oui. Combien j'ai dit ? Ils ont perdu 6 matchs. Pardon, 6 matchs. J'étais au-dessus, j'étais sur le Real. 6 matchs. Enfin, qui fait quand même une très belle saison et pour l'instant qui accroche la Ligue des Champions. Donc ça va être un match intéressant. Ce sera à suivre samedi à 16h15. De son côté, l'Atlético ira à Oviedo dernier. Donc voilà, c'est une victoire presque impérative. Et puis le Real jouera lundi prochain. C'est assez rare, mais pour une fois, ce sera lundi face à Retafe à 21h. Donc on pourra suivre cette rencontre. On a eu le Barça la semaine dernière, on aura le Real la semaine prochaine. C'est ça, face à Retafe. Petit derby. Ouais, qui pour le moment est 12e. Voilà, qui n'a plus grand chose à jouer, mais ça va être un match qu'on va pouvoir suivre aussi lundi prochain. Voilà donc les matchs donc de cette 26e journée en Ligue 1. On termine notre tour d'Europe avec l'Angleterre, où c'est la pause toujours entre Everton et United. Avec donc d'abord samedi, on avait d'abord Chelsea qui recevait Burnley pour jouer le premier, pour voilà, marquer le coup tout de suite. Bah, c'est raté pour Chelsea qui va se faire rejoindre dans les toutes dernières secondes et deux points qui s'envolent. Ouais, Chelsea qui avait marqué très tôt dans ce match, dès la 4e minute, grâce à João Pedro. Ils ont globalement eu le ballon dans ce match, mais ils n'ont pas été plus tueurs que ça, ils n'ont pas réussi à aggraver l'écart et le score. Et puis bah oui, à ce fait de jeu avec le carton rouge du français Wesley Fofana à la 72e, ce qui fait que Burnley va petit à petit aussi reprendre vraiment un peu les clés de ce match et pouvoir aller vraiment intimider cette défense des Blues et puis jusqu'à oui, bah, ce but en toute fin de match à 90+3 de Fleming pour Burnley pour enlever deux points donc à Chelsea. Donc ouais, franchement, mauvais résultat forcément pour les Blues, mais voilà, il fallait se mettre à l'abri avant dans ce match, ils n'ont pas su le faire quand ils étaient 11-11. Donc bah, ça reste un résultat pas forcément mérité bien sûr sur la physionomie du match, mais j'ai envie de dire ils l'ont cherché en n'étant pas assez réaliste dans leur situation offensive. Donc c'est un peu ce qu'on peut reprocher à Chelsea d'ailleurs depuis un petit peu ce début de saison sur certains matchs, et notamment même depuis l'arrivée de Liam Rosenior, c'est pas encore ça qui est ça. Donc j'attends vraiment beaucoup plus de cette équipe là et de ce coach là qu'on a beaucoup encensé nous en France, et comme voilà il était très heureux quand même de partir chez le grand frère Chelsea, j'en attends beaucoup plus de lui. Alors je suis conscient que l'effectif de Chelsea est assez étrange depuis plusieurs saisons maintenant, qui est à rallonge, il y a un peu de tout dans cette équipe-là, il y a des très bons joueurs, comme beaucoup de jeunes aussi, des joueurs avec du potentiel, mais on ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Bon, voilà, il arrive en cours de saison, mais j'en attends quand même plus de cette équipe-là, notamment tactiquement. Donc c'est un Chelsea qui encore une fois c'est décevant, et bon je l'ai dit, il y a eu ce fait de jeu à 72e où Chelsea prend un rouge et donc va finir en infériorité numérique pendant 20 bonnes minutes, mais et forcément va se faire un petit peu crucifier. Mais ouais, forcément un très mauvais résultat pour Chelsea, même s'ils sont toujours bien placés pour la course à la Ligue des Champions, voire au podium, mais ça reste des points perdus pour moi sur ce match-là forcément. Tiens, avant de poursuivre sur cette journée, je voudrais juste revenir sur l'Arsenal aussi qui jouait en milieu de semaine un match avancé, c'était face à Wolverhampton, et on en avait un peu parlé hein, d'ailleurs de ces matchs-là. Arsenal qui perd encore un point, deux points précieux hein, avec un match de partout et qui rejoint en fin de match. C'est cruel quand même pour Arsenal encore, cette saison qui va peut-être voir envoler le titre encore. Parce que ce que je disais aussi ici la semaine dernière, c'est que c'est à chaque fois cette période de l'année. Alors là, encore une fois, cette saison, c'est assez particulier parce que là, c'est eux qui sont vraiment en tête de Première Ligue, qui mènent la danse, qui avaient de l'avance. Oui, qu'il y en a moins. c'est fort. Mais et c'est souvent dans ces moments-là où ça se prend l'épée dans le tapis, quoi. Même si les joueurs c'est pas forcément tous les mêmes de saison en saison. Enfin, l'effectif a pas énormément, non plus énormément bougé. Enfin, ne bouge pas non plus énormément à chaque mercato, à chaque intersaison. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est la maladie des Gunners, donc c'est pour ça que, on va le voir après là dans quelques minutes, ils ont fait le taf pour le coup ce week-end, mais attention parce que ils ont plus énormément d'avance plus, au classement, donc ça peut vite revenir comme on disait déjà la semaine dernière, mais tu l'as dit en pleine semaine, justement ils ont encore perdu des points. Ouais. Face à Valverde, ils ont un nœud rouge. Hein. En plus, c'est ça, qui fait une saison cataclysmique, quoi, catastrophique. 10 points et c'est ils menaient 2-0 et à l'heure de jeu ils prennent, enfin c'est. Voilà, c'est dommage, hein, parce c'est que. Tout ouais, ah oui, c'est ça. Et du coup, ouais, c'était un match avancé, de la 31e journée, puisque ce week-end-là, il y aura la finale de la Coupe de la Ligue, hein, donc, Arsenal et City se rencontreront, donc, voilà, Arsenal a joué en avance, City, si, jouera un autre moment pour rattraper ce match-là, mais voilà, c'est deux points, qui vont compter, puisque désormais, on va le voir, Arsenal n'a plus que 4 points d'avance, hein, avec du coup un match, en plus. Justement, City, qui jouait samedi soir, réception de Newcastle, pour essayer de se rapprocher du coup d'Arsenal avec ce faux pas en milieu de semaine. Et ça s'est bien passé pour City, vainqueur 2-1. Voilà, tout s'est passé vraiment d'ailleurs en première période, même dans la première demi-heure dans ce match. Ouais, c'est ça, oui. City qui a ouvert le score grâce à O'Reilly juste avant le quart d'heure de jeu, 1-0. Puis c'est allé assez vite à Newcastle, ouais, qui a vite réagi, même pas 10 minutes plus tard pour le 1 partout. Et puis, même chose, 5 minutes après l'égalisation, ça fait 2-1 et doublé, premier doublé d'ailleurs, de Nico O'Reilly côté Citizen, 2-1. Et oui, tu l'as dit, le score est resté inchangé jusqu'à la fin de ce match. Alors c'est vrai qu'on avait un City voilà, dans sa forme, dans sa plutôt bonne forme actuelle durant la première période, qui a été convaincant et assez juste un petit peu sur tous les compartiments du jeu. Mais ça s'est un petit peu endormi en seconde période où ils auraient même pu se faire... rejoindre encore au score, mais bon, ils ont su tenir quand même. Et le plus important est là, tu l'as dit, forcément la victoire et les 3 points après. Le petit coup de frein encore une fois d'Arsenal, tu l'as dit en pleine semaine, la semaine dernière. Donc c'était forcément important de prendre ces 3 points de la victoire par rapport à Arsenal, sachant que du coup, bah oui, Arsenal a, tu l'as dit, comme c'était un match avancé, oui, pour un match en plus, Gunners, donc ils ont un match en plus Arsenal. Donc c'est vrai que City a tout intérêt à prendre tous les points qu'il faut, parce que oui, Arsenal, on l'a dit, en perd aussi des points à ce moment-là. Donc voilà, c'était la victoire le plus important, mais attention quand même à City d'essayer de faire tout un match entier sur le même rythme. Même si je sais que Newcastle, c'est pas forcément l'adversaire le plus simple à scoltiner. Mais voilà. Il faut essayer d'être plus régulier dans l'entièreté d'une partie. C'est un Villa aussi qui jouait samedi, qui a pas réussi à profiter du faux pas de Chelsea, un partout aussi face à Leeds, donc qui reste néanmoins troisième, mais c'est vrai qu'il aura pu prendre un peu plus d'avance sur Chelsea, qui pour l'instant est quatrième. Et puis enfin hier, Liverpool d'abord était en déplacement chez le mal classé Nottingham Forest, victoire très importante sur les voilà sur les ultimes secondes de Liverpool pour rester accroché au wagon, hein, ce wagon de Chelsea, United et Liverpool. Alors United joue ce soir, mais en tout cas, c'est un petit wagon pour l'Europe, hein, pour Ligue des Champions. Ça va jouer probablement entre ces trois-là. Donc, victoire très importante des Reds. Ouais, et Dieu sait que ça n'a pas été simple du tout pour eux, ce match face à Forest. Voilà, le seul but du match a été marqué à la 90+7. Ça veut déjà un peu tout dire. De l'Argentin Alexis McAllister. C'est vrai que Liverpool, on va pas parler d'hold-up, bien sûr, mais... Forest s'est procuré les occasions les plus franches de cette partie, donc ça n'aurait pas du tout été un scandale de voir Liverpool soit repartir avec 0 points ou soit peut-être avec 1 point de ce match-là, mais bon, ils réussissent quand même à soutirer les 3 points, je l'ai dit, dans les dernières secondes, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout été simple, ils ont beaucoup subi, défensivement ça reste assez friable, cette défense liverpoolienne, donc ouais, ils reviennent d'assez loin sur cette partie-là, mais bon, parfois bah, il suffit de pas grand-chose pour une victoire. Le foot, c'est aussi ça, c'est bien sûr pas forcément dominer, mais tu peux gagner, comme dominer n'est pas gagner, c'est plein de choses comme ça, mais c'est vrai que sur ce match-là, ils n'ont pas été rassurants du tout, les Reds. Mais voilà, même chose, les 3 points, c'était bien sûr le principal à prendre, mais ils sont toujours hors de ce top 5, donc il va falloir continuer, mais montrer beaucoup plus que ça, que lors de ce match-là, de ce déplacement, il faudra montrer beaucoup plus là, prochainement, dans la dernière ligne droite. Et enfin, Arsenal donc était en déplacement à Tottenham. pour tenter de faire mieux que ce nul en milieu de semaine. Ça s'est très bien passé avec cette victoire 4-1 qui donne un petit peu d'air au classement. Il reprend donc 5 longueurs d'avance sur City. Ouais, fallait forcément gagner de toute façon pour Arsenal. Après, oui, les points perdus bêtement sur les derniers matchs, la dernière semaine. Donc, c'était important. En plus, tu avais un peu dit déjà aussi lundi dernier, même si Tottenham reste sur une saison aussi cataclysmique et qui pointe à la 16e place de ce classement, ça reste un derby du nord de Londres. Donc, ça reste un derby toujours un peu bouillant et forcément historique. C'était le 199e d'ailleurs de l'histoire. Donc, c'était important de les gagner. Enfin, le 200e sera encore plus marquant, j'imagine, à gagner, mais en tous les cas, un derby, ça se gagne de toute manière. Donc, c'était forcément doublement important pour Arsenal de gagner pour la première place et puis pour le prestige face à Tottenham, au rival de toujours. Mais oui, Arsenal qui a globalement marché sur son rival, justement. Ils sont ceux qui se sont procurés les meilleures occasions, qui ont eu le ballon à peu près tout le long du match. Ils ont ouvert le score, les Gunners, quand même, juste après la demi-heure de jeu, grâce à Eze, qui va devoir être auteur d'un doublé, tout comme Gyökeres, qui... c'est ce qu'on attend de lui, un vrai serial buteur. Et sur ce match, il a prouvé de par ce nombre de buts, ce doublé qu'il a marqué, mais aussi vis-à-vis des buts qu'il a marqués. Hein, ils étaient beaux, une belle reprise de volée aussi. Non, franchement, un bon match des deux joueurs-là qui était un petit peu intenable. Hein, Eze, Gyökeres, même Bukayo Saka, ou encore une fois le Belge Trossard a encore été important aussi dans la construction et dans l'animation offensive des Gunners. Il y avait quand même eu une bonne réaction de Tottenham après l'ouverture du score, puisque Kolo Muani a égalisé 2 minutes après l'ouverture du score d'Arsenal. Un partout, Tottenham avait montré un petit peu de répondant après ce but-là. Mais en seconde période, ils sont vraiment écroulés. Les absences ont fait beaucoup de mal côté Spurs et Arsenal a déroulé et c'est somme toute logique. Donc, voilà, un score logique par rapport à une équipe qui est probablement la meilleure en Angleterre quand même et l'une des meilleures en Europe face à une qui est relativement quand même en perdition et qui fait une saison cataclysmique, je l'ai dit. Donc, ça reste un résultat logique dans ce derby du nord de Londres qui est donc une nouvelle fois jugé à Arsenal. Arsenal donc reste leader 61 points, City deuxième 56 points, Villa troisième 51 points, Chelsea et alors pour l'instant on va parler United avant ce match, hein, mais Chelsea, United, Liverpool 45 points, United donc je le disais aura l'occasion de repasser seul quatrième. Alors c'est vrai que parmi ces trois là, ce qui est fou c'est qu'il y en a deux qui risquent de passer à la trappe, hein, pour la Ligue des Champions. Ouais. Si toujours pas cette histoire de c'est quel championnat où ils peuvent envoyer 5 en Ligue des Champions. Ça va dépendre l'indice UEFA. C'est pas l'indice UEFA, mais sur les 3 dernières saisons. C'est ça, donc on peut s'attendre à avoir un club anglais, mais pas forcément. Donc pour l'instant, il y en a que 4. Hein. Ouais. Ouais, écoute. C'est possible, c'est un peu Villa qui fausse tout, entre guillemets, dans le sens où, enfin, Villa, j'allais dire, n'a rien à faire. Ils sont bien, là. Ils, puis ils étaient sur Ligue des Champions. Oui, c'est cette année qu'ils sont en Ligue des Champions. C'est pas l'année dernière, autant. J'ai un doute, à force d'avoir 36 équipes par compétition, ça me, je sais plus. Ils étaient en quoi, là, cette Villa, cette année? LDC ou Europa League? Tu me mets le doute. Le doute. Non, Europa League, je crois, cette année. Oui, je les vois. Je les vois pas en Ligue des Champions, pour moi. Mais peut-être que je me trompe. Mais Villa, il y a quelques saisons qui s'installent, en tous les cas, Ligue Europa. Ouais. Dans vraiment le haut du panier, qui sont européens depuis quelques temps. Donc, en même temps, ils ont pas rien à faire là, en soi. C'est sûr que ça claque moins que le Big Five, entre guillemets, de cette PL, à la base. Mais oui, forcément qu'on peut voir un gros club d'Angleterre passer à la trappe pour la Ligue des Champions. Bon, après, j'allais te dire, United, on les voit pas toujours en Ligue des Champions depuis. Mais pour l'instant, ils tiennent bon, là, pour l'instant. Ça tient la route. Bon, après, voilà, normalement, il y a que 5 qualifiés, après le 5e en Ligue Europa. 6e, normalement, il n'y a rien, mais bon, c'est vrai que déjà Arsenal City, ça va faire une place qui va se libérer puisqu'ils vont se rencontrer en finale de la Coupe de la Ligue, mais ça va forcément qualifier le 6e et peut-être que ça libérera le 7e s'il y a une victoire en cup d'une des équipes du haut tableau. Donc, on en reparlera, mais voilà, c'est en tout cas pour la Ligue des Champions, il est fort possible qu'il y ait un des gros qui se passe à la trappe. Voilà, on en reparlera. On bat West Ham, Burnley et Wolverhampton 10 points et on le disait Tottenham 29 points. Quelques 4 points d'avance sur le premier relégable, donc c'est chaud quand même pour Tottenham là qui est bien en Ligue des Champions et enfin qui est qualifié en tout cas pour la suite, pour les huitièmes, mais en championnat, si tu l'as dit, c'est catastrophique et il va falloir se méfier pour pas aller descendre cette année, ce serait fou quand même. Ce serait fou. Mais bon, il reste encore pas mal de matchs. La prochaine journée, c'est la 28e journée. Bien sûr, on va marquer ce Arsenal-Chelsea. Qui sera dimanche après-midi à 17h30. Voilà, pour Arsenal, c'est un vrai gros test là hein, maintenant, et c'est vrai qu'ils perdent beaucoup d'avance depuis quelques temps. Ça peut basculer avec ce match face à Chelsea en fait. Hein. Ben, il va falloir faire un peu le même match ouais, que face à Tottenham dans un autre derby très important de Londres entre deux rivaux aussi qui ne s'apprécient pas beaucoup. Donc ouais, même chose, on va remontrer le même visage face à un adversaire qui est quand même potentiellement un peu plus régulier. Quand même, même si je l'ai dit depuis quelques semaines, c'est en dents de scie, Chelsea, même l'arrivée de Rosenior n'a pas forcément soulevé toutes les questions qu'on peut se poser et tous les petits défauts de cette équipe-là, mais ça reste forcément un gros match, et oui, pour Arsenal, c'est encore un match où les points vont compter, donc il va falloir sortir un très beau visage à domicile. Pour le coup, là, ça sera à domicile aussi, donc il y aura oui. Forcément un gros soutien du public, je pense, côté Gunners, mais ouais, là, il n'y a pas trop de droit au faux pas sur ce match-là aussi. Ouais. Exactement. Voilà pour l'Angleterre et voilà pour notre tour d'Europe. Un point sur les directs. Bah, il n'y a pas d'autre but, hein. Tout est reparti. Il y a donc un partout entre Alavés et Gironde, un partout entre Le Mans et Guingamp. Et puis, moi, j'ai 2-0-0 en face de moi. Et voilà. T'as pas pris des bons matchs, mais bon. On joue la 50e entre Everton et United. Ça a repris depuis pas longtemps. Et, toujours 0-0. Pareil, en Italie, entre Bologne et Udinese. On joue la 65e minute de jeu. On revient en France pour nos championnats habituels. Le national d'abord, belle prestation d'Orléans qui a été gagnée à Bourg-en-Bresse 3-0 avec autorité face au mal classé 16e. C'était très logique, mais il fallait gagner. Dommage pour eux, c'est que Sochaux devant a gagné fin de match, hein, toute fin de match 3-1. Donc reste quatrième, statu quo, toujours 5 points de retard sur Sochaux. Rouen et Dijon se sont échangés leur place. Dijon qui a repris la tête au profit de sa victoire face à Villefranche 2-1. Et donc Rouen chute après son match nul face au Puy 1 partout, donc chute à la deuxième place. Dijon 1-42, Rouen 2-41, Sochaux 3-39 et donc Orléans 4e 34, Versailles suit hein, 5e 33. Tout ça sera serré. Donc dans ce championnat, 23e journée ce week-end, à l'occasion d'ailleurs des 50 ans de l'USO événement, donc le match sera samedi à 19h exceptionnellement, un petit peu délocalisé ce match puisqu'il y aura toute une après-midi d'événements dès 14h30, rendez-vous au Stade de la Source pour diverses animations des plateaux de U7 jusqu'à U15. Vous avez aussi sur le terrain d'honneur une Gepi League qui reprend le format de la Kings League, donc qui est très très sympa pour des équipes de U12 jusqu'à U15. Il y aura des plateaux aussi de foot à 5 et à 8 sur des terrains annexes, donc pas mal de choses. On espère du temps qui permettra de faire toutes ces animations. Ensuite, à partir de 15h, l'avant-match avec l'ouverture de la nouvelle buvette chapiteau. Donc, il y a des animations aussi présentes dans ce chapiteau. Les parades de différentes sections du club. Et à 19h, coup d'envoi du match entre l'USO et Rouen, donc, à 19h précise. Et donc, à l'issue... Tiens, d'ailleurs, au passage, un maillot spécial sera apporté par les joueurs à l'issue pendant cette rencontre, spécial 50 ans. Et donc, après ce match, hommage aux anciens joueurs, et donc différents dirigeants et personnalités du club, tour d'honneur, et puis à 21h10, clôture de la soirée, un spectacle de 300 drones. Donc, voilà, si vous êtes présents, beau spectacle à venir, et un after avec un DJ jusqu'à 23h. Donc, très belle journée à l'USO pour ses 50 ans anniversaire. Donc, soyez présents sur cette rencontre. Il y a encore plein de places disponibles, évidemment, pour cet événement. Donc voilà, et puis bien sûr les autres matchs vendredi 19h30, il y aura deux matchs aussi samedi après-midi, mais Orléans jouera en dernier, programmation exceptionnelle pour cet événement. La Ligue 2, on en parlait rapidement tout à l'heure, 3, eh bien ça va mieux, victoire face à Pau 4-3, mais là aussi ça a été compliqué pour 3 qui a été mené 3-2, hein, c'est ça. Ouais, qui était mené même 2-0 déjà en début de match, hein, avec deux buts coup sur coup en 5 minutes à la 16e et 21e pour les Palois, pour Pau. Puis notamment le deuxième but qui est un peu casquette hein, pour 3, parce que c'est le gardien qui fait une grosse sortie, pas kamikaze, mais en dehors de sa surface pour essayer de dégager le ballon. Sauf que la pelouse a été très très arrosée, notamment quelques minutes avant le coup d'envoi. Ce qui fait que beaucoup de joueurs ont glissé, hein, que ce soit autant le gardien de Troyes ou même les joueurs, et même les Palois aussi. Et ce qui fait que il glisse et il loupe le ballon et l'attaquant n'a plus qu'à aller marquer dans le but troyen. Après, il y a eu une bonne réaction troyenne quand même avant la pause, avec notamment un pénalty marqué à la 43e grâce à Ben Taïeb. Et puis dans la foulée, une minute après, c'est de Tourbet, hein, pareil juste avant la pause, qui a marqué le 2-2, donc 2-2 à la pause. Très belle réaction de l'Estac. Et puis oui, seconde période où il y a le 3-2 de Kaloulou à l'heure de jeu, où on croit que Troyes va encore avoir du mal à revenir et encore perdre beaucoup de points sur cette rencontre-là. Après, j'avoue qu'on est à 4-5 matchs où ils ont perdu beaucoup de points en championnat. Ils ont fait preuve d'un gros caractère avec un Ben Taïeb qui marquera le 4e but aussi, un doublé, qui a fait un gros match, de Tourbet qui a continué à aussi faire un peu tourner les têtes et à faire parler de son talent, le jeune français. Et puis Martin Adeline aussi, qui est très important dans l'entrejeu au milieu de terrain, qui a marqué son but le 3 partout. Donc voilà. Petite remontada et belle preuve de caractère quand même pour les Troyens. Il y en avait besoin de cette preuve de caractère, parce que c'est vrai qu'on la voyait pas là depuis quelques semaines justement. Donc certes, c'était pas un match simple, ils ont pas mal subi, mais ils ont su rendre les coups en retour. Donc j'espère pour les Stacks, encore une fois en tant que suiveur de Troyes aussi, moi personnellement, j'espère pour eux que ça va être un match déclic, mais en tout cas ça en a tout l'air, en espérant que ça relance une bonne dynamique pour eux. Il fallait gagner, Saint-Etienne qui a gagné aurait pu passer leader, hein, qui met la pression, hein. Et ouais, qui vraiment la pression, qui a battu Laval, et voilà, c'était important de gagner franchement, vraiment sur cette rencontre. Reims aussi qui perd deux points importants, hein, face à Amiens 0-0 et qui chute du coup troisième. Le Red Star qui perd aussi, qui n'a pas profité, hein, qui a perdu à Annecy 2-1, une équipe qui est septième, hein, qui peut encore espérer des choses, c'est vrai, hein, que c'était un vrai match important. Le Star n'a pas profité, et Le Mans qui joue ce soir, donc on disait que pour l'instant il y a un partout face à Guingamp, pourrait en cas de victoire passer troisième. Et c'est pour ça aussi que c'était important pour toi de gagner, c'était quand même, par rapport à tous les points de perdu ces dernières semaines justement, d'essayer de recreuser un peu d'écart avec ces équipes là derrière qui ont aussi un peu de mal à enchaîner. Donc c'est pour ça que c'est aussi important forcément de reprendre les trois points. Exactement. Donc voilà, donc pour l'instant, deux points d'avance sur Saint-Etienne, qui lui-même en a deux sur Reims. Et après, Red Star, Le Mans, Dunkerque, ça suit à un point à chaque fois. Donc tout reste possible, hein, même pour Annecy, Rodez à 36. C'est pas complètement terminé. Donc on sait en plus qu'ensuite il va y avoir les fameux play-offs, barrage, donc rien n'est joué, hein, dans cette fin de saison de Ligue 2. On bat Amiens, Laval et Bastia sont toujours relégables. Allez, on finit avec la Ligue 1. Allez, un petit défi, on va essayer de se faire une minute par match, hein, pas plus, parce que pour essayer de finir à l'heure. On démarre avec Brest-Marseille. Allez, je te laisse deux parce que c'est Marseille, mais sinon on se tient à une minute. Défaite de Marseille à Brest, un peu dans la continuité de ces dernières semaines, hein, on va pas se cacher, malgré l'arrivée de David Bay. Pour l'instant, ça a pas pris, faut bien le reconnaître. Deux. David Bay. Deux. Ah non, tu l'as bien dit. Non, du coup, t'avais fourché. Abibay, ouais. Enfin, un mélange. L'abeille. Une abeille. Maya l'abeille. Voilà, moi. ouais, bah oui, encore un faux pas de cette équipe, oui, qui semblait aussi, Abibay l'a dit en conférence de presse d'avant-match, une équipe qui ne semblait pas forcément malade. Parce que je constatais que si, presque, parce que, encore quand même une contre-performance, quoi, ce match. Alors certes, là, forcément, on repart sur de nouvelles bases, de nouveaux rails, avec en plus voilà, un 4-3-3. Donc, c'était pas forcément le système qui était privilégié directement par deux arbitres, un 4-3-3. Donc, il faut aussi se réadapter un petit peu à ça. Mais l'entame de match a été plutôt bonne des Marseillais, je trouve. Les 5-10 premières minutes étaient assez intéressantes. L'entrée sur le terrain, c'était pas mal, j'ai trouvé, moi. Franchement, quand il tenait la main des jeunes gamins, c'était ça, sympa. Ça, c'était top, ça. Là, il gérait la situation. Mais oui, non, bah, un joueur qui marque dès la 10e, qui va doubler la mise et marquer un doublé juste avant la demi-heure de jeu. Mais voilà, puis on a revu les lacunes défensives de l'OM. Pavard, c'est cataclysmique. C'est quasiment ça depuis le début de saison. Enfin, vraiment le tout début de saison, les premiers matchs, je l'avais trouvé intéressant. Je me disais qu'il pouvait vraiment apporter de la sérénité derrière. Mais là, non, ça fait beaucoup trop de fois où il nous met dedans aussi. Un peu à l'instar de Balerdi, et des Pavard, c'est pas du tout rassurant. ça a été assez compliqué. 30 secondes. Devant. Comment ? 30 secondes. Ah oui. Devant, ça a été pareil, hein, ça a été très compliqué. Gouiri, qui reste la même chose, vraiment un manque de réalisme. Greenwood, qui a fait très très peu de différence, qui a eu beaucoup de mal en 1 contre 1, lui qui est quand même censé être le joueur qui est un petit peu au-dessus techniquement de l'équipe, et même dans ce championnat, si on met vraiment Paris de côté. Pécha, ouais, ça a été compliqué aussi pour lui. Voilà, j'ai plutôt bien aimé Timber quand même au milieu de terrain, il m'a semblé intéressant. Vermeeren, un peu moyen, j'entendais un peu plus pour son retour en tant que titulaire. Enfin, voilà, c'est quand même une prestation collective assez désolante et encore des points perdus forcément pour l'OM, pour le podium. Alors ça va que Lyon n'a pas assuré, on va en parler dans quelques instants. Mais puis il y a également l'Olympico, bien sûr, enfin, l'Olympique ce week-end, donc c'est là où va vraiment pas falloir perdre de points et il va falloir gagner absolument pour l'OM à domicile. Oui, on va en reparler. Samedi, Lens reçoit Monaco. Alors, on avait parlé de ce match, hein. C'est vrai qu'on n'avait pas été optimiste. Moi, premier, j'avais mis Lens gagnant, tu vois. Je te le laisse, du coup, celui-là. Ouais. T'as une minute et je te le laisse. Ah, j'ai qu'une minute, d'accord. Non, mais alors, j'ai pas tout regardé, mais c'est vrai que j'ai vu 3 minutes ouverture du score. J'ai dit, bon, ça y est, c'est parti, hein. On va repartir comme d'habitude. Et puis, Thauvin, hein, qui va donner le break à l'heure de jeu. Bon, hein, c'était plié, hein. Et puis, bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, un retournement de situation, enfin, pas habituel de la part de Lens en plus, hein, qui restait sur une série incroyable, hein, et là, en 10 minutes, ils ont pris 3 buts. Voilà, je suis parti vite fait, je suis revenu, j'y croyais pas, 3 buts en 10 minutes. Bon, Balogun, c'est vrai que ces derniers temps, il est mieux, hein. Fatih, surprenant aussi, qui était un peu, on le sait, dans le si, pas très régulier. C'est ça qu'Aria, toujours le capitaine, costaud, hein, mais c'est vrai que, c'est surprenant, renverser complètement le match comme ça, et puis finalement, c'est un succès qui compte, hein, pour Monaco, puisque ça permet de revenir 8e. Alors, 8e, c'est loin, mais c'est vrai que pour l'Europe, il n'y a plus grand chose, il n'y a que 3 points maintenant sur Lille, 5e. Donc ça relance vraiment la saison pour eux et ils lancent un coup d'arrêt et c'est vrai que ça leur fait perdre la tête de ce classement. Alors est-ce que c'est un match qui va être un match qui va démarrer sur une série négative pour Lens ou c'est vraiment juste un accident? Je pense que c'est un accident quand même parce que bon ils avaient le match à peu près en main, ouais, 2-0 tu l'as dit. Alors après oui il y a vraiment ce coup de mou et puis la grosse force mentale de Monaco là qui ressurgit, enfin qui surgit même plutôt. Oui. En tout cas peut-être depuis le match contre le PSG là, en barrage. Après voilà, ça peut arriver aussi, hein, un coup de moins bien, Monaco qui surperforme un petit peu si j'ose dire. Ça peut arriver sur un match. Hein, j'ose espérer pour Lens que oui, c'était un coup d'un soir, j'ai envie de te dire, c'est un coup d'une fois, quoi, mais après on peut pas deviner. Non, je pense que cette équipe de Lens elle reste assez solide quand même sur une bonne partie du match. Ils ont montré les qualités qu'on leur connaît à ces joueurs là j'en attendais plus quand même de Saint-Maximin aussi, la recrue de cet hiver là sur ce match là je trouve qu'il a pas assez apporté, notamment sur les différences individuelles qu'il peut faire, enfin en tout cas qu'il est censé faire. J'en attendais plus, mais non, je pense que Lens là c'est ça arrive, voilà, c'est un petit coup de moins bien, mais ça peut sans doute repartir dès ce week-end. Ouverture du score en italien sur penalty pour Bologne, 1-0, 76e minute. Très bien. Très bien, très bien. On continue avec samedi toujours. Toulouse recevait le Paris FC, pas de vainqueur dans ce match. Alors, c'est surtout pour le Paris FC que voilà, il fallait prendre des points, donc c'est un match qui va pas leur satisfaire. Pour Toulouse, bon bah voilà, il y a plus grand chose à jouer maintenant dans cette fin de saison. Match nul un partout, très rapidement sur ce match. Ouais, merci. Match intense, assez ouvert entre le TF et le PFC, plaisant à suivre, un partout. Alors, Toulouse aurait peut-être mérité mieux parce que ouais, ça, ils ont dominé quand même. Ils ont plus dominé sur plus d'occasions que les Parisiens. Maintenant, c'est le TFC qui a ouvert le score avant la pause, à la 38e grâce à Monetti. Et puis oui, il a fallu attendre la fin de match pour les Toulousains, pour les voir revenir au score égalisé grâce à Vignolo à la 87e. C'est vrai qu'ils auraient pu mériter mieux sur ce match. Ils ont quand même eu vraiment beaucoup plus d'occasions que les que les Parisiens, ils ont manqué de réalisme aussi. C'est dommage, hein, pour Toulouse de perdre des points comme ça. Mais ouais, tu disais, Paris avait besoin de points. Ils repartent bien sûr avec un seul point, bah, comme Toulouse bien sûr. Mais Paris, encore une fois, doit montrer beaucoup plus que ça dans ce championnat-là. Alors, il y a eu l'éviction du coach ensuite, hein, puisque vous n'êtes pas savoir que maintenant c'est Antoine Camboré qui est arrivé sur le banc. Je pense que comme beaucoup, je me pose la même question. Pourquoi ce choix? Pourquoi lui? Enfin, j'ai rien contre Antoine Camboré, pas de problème, je veux dire, mais c'est un peu comme un retour un peu insensé de Claude Puel à Nice. Alors, faut croire que jusqu'ici, ça marche plutôt bien pour le coup. Mais voilà, Antoine Camboré qui revient un petit peu en mode sauveur aussi pour sauver la cabane. Voilà, on sent que c'est un peu ça. C'est un peu le feu dans la maison côté Paris, alors que t'as déboursé des dizaines et des dizaines de millions d'euros à l'intersaison, que t'as quand même beaucoup d'ambition. Donc en arrivé là, à ce moment de la saison, c'est assez incompréhensible quand même côté du PSG. Bah, on va voir s'ils ont eu raison, en tout cas dans cette fin de saison. Rapidement, Paris qui recevait Metz 3-0 face à Lanterne Rouge, très logique, hein, qui n'a pas tremblé et qui repasse donc leader. Oh oui, bien sûr, victoire logique. On ne pouvait pas s'attendre à une autre physionomie de match entre Parisiens et Messins, tant l'écart est énorme. Paris a fait le job, il fallait quand même se reprendre bien sûr après la bévue contre Rennes de la semaine dernière. Donc voilà, 3-0 à domicile avec un Doué qui est encore buteur. Barcola qui marque, Ramos qui marque, donc c'est forcément de très bonnes choses pour les trois attaquants qui ont commencé sur le terrain au début de match. Donc c'est important bien sûr de gagner, de marquer pour ces joueurs-là, pour se mettre en confiance pour la suite de la saison. Donc voilà, résultat bien sûr extrêmement logique pour Paris qui donc forcément a profité de la défaite lensoise pour reprendre son trône. Dimanche, Rennes d'abord, qui écrase Auxerre, hein, 3-0, et donc se rapproche donc de la Ligue des Champions avec ce succès. Exactement, oui, depuis le départ de David Bey à Rennes, jusqu'ici, en tout cas, ça va bien. Victoire 3-0 à Auxerre, c'est vrai qu'on sait que c'est pas toujours simple d'aller titiller Auxerre à domicile à la Baie des Champs. Là, ils ont fait le match qu'il fallait, Rennes, hein, franchement, ils ont pris les choses à leur compte assez rapidement. À 20e et 22e, il y avait déjà 2-0 grâce à Camara et Esteban Le Poll. Et puis même à la pause, hein, 3-0 avec un but de Camara à la 45e. Donc ils ont vraiment fait le job, ils ont plutôt bien maîtrisé ce match, survolé les Auxerrois. Donc très bonne opération des Rennais, tu l'as dit, qui se rapprochent très bien de l'Europe. Ils sont 6e avec 37 points, donc c'est comme Lille, ils sont à 3 points de l'OM. Oui, franchement, très très belle opération des Bretons. Lille, ça va mieux pour Lille qui a été gagné à Angers et qui renoue enfin avec la victoire en 2026. C'était donc une victoire et grâce à Giroud avec un but sur penalty. Ouais, sur penalty. Oui, il fallait enfin attendre cette fin de mois de février pour les voir regagner enfin en Ligue 1 les Dogs. Non sans peine quand même, hein, tu l'as dit, avec ce seul but du match qui est sur penalty avec Olivier Giroud. Malgré tout, ils avaient quand même dominé ce match, ils se sont procurés les meilleures occasions, les Lillois. Mais tout n'est pas du tout refait. Enfin, je pense pas que l'équipe soit totalement guérie du tout de ce match-là, parce qu'ils ont quand même eu du mal, ils ont manqué aussi de réussite et d'égalisme sur ce match-là. Donc il y a encore beaucoup de boulot côté Lillois et côté Bruno Genesio. En plus, il y a aussi le match retour là qui arrive jeudi en barrage d'Europa League où il y a beaucoup de travail à faire pour remonter ce petit écart. On n'en a pas parlé, mais peut-être qu'on le révoquera vite fait juste après. Mais voilà, il y a encore beaucoup de boulot, mais bon, retrouver le chemin de la victoire, c'est déjà la chose qu'il fallait faire, c'est principal, donc c'est chose faite. Et ces trois points qui sont la bienvenue, on disait dans la course à l'Europe au classement pour Lille. Match spectaculaire donc dans ce match entre Nice et Lorient. Seul d'ailleurs match nul de ce dimanche, match 3 partout. Et Lorient qui va arracher un point du nul pour Nice et 2 points de perdu dans la course au maintien qui n'est pas tout à fait acté quand même. Ouais, exactement. Je disais que Nice, oui, quand même, depuis le retour au club de Claude Puel, c'est vrai que ça allait plutôt bien. Il y avait eu des bons résultats, une bonne petite série. Là ça partait plutôt bien également, tu le disais, Nice qui menait 3-1 à l'heure de jeu, et puis Lorient a fait son comeback en réagissant bien avec Bamba Diack d'abord sur penalty, puis tout fin de match, 90+5 avec Kadiou qui vient arracher le nul, mais c'est vraiment mérité pour Lorient qui a eu le ballon dans ce match, qui s'est procuré les meilleures occasions aussi. C'est vrai que défensivement ça a été très compliqué pour les Merlus, mais offensivement ils méritaient au moins ça, au moins ce point du nul quand même. Et ils auraient peut-être pu arracher ouais, un peu plus que ça si, comme j'ai dit, défensivement, ça avait été un petit peu plus solide. Et forcément, ouais, pour Nice, oui, tu me parlais de maintien, c'est pas encore totalement fait. Non. Il y a encore un peu d'avance forcément sur Auxerre barragiste, hein, il y a quand même 7 points devant. Mais voilà, c'est vrai que ça reste 2 points perdus pour Nice. Et j'ai presque envie de dire, pour Lorient, c'est plus ouais, 2 points perdus quand même. Ouais. Parce que Lorient a quand même manqué un beau visage. Ouais, qui pouvait espérer avec une victoire encore arrachée. Alors c'est pas fait, c'est pas fini, mais c'est vrai que il y a quand même pas mal d'équipes devant et ils sont pas si loin de l'Europe quand même. Hein. Non, ils sont pas loin, ils sont à portée quand même de. Mais ça, de 7e. Ça me semble assez compliqué quand même. Ouais. Il y a que deux points. Enfin, si on considère que le 7e peut peut-être se qualifier, il y a que 2 points, mais si vous pouvez chercher le 6e, c'est vrai que ça fait un peu plus loin. Nantes, très bon résultat des Nantais vainqueurs du Havre qui renouent enfin avec la victoire, même si ça pas le score ne reflète pas forcément le match, hein, cette victoire de Nantes 2-0, elle a un petit peu en trompe-l'œil quand même. Ouais, parce que le Havre a quand même montré de belles choses. Même chose avec le ballon, hein. La possession est assez impressionnante, si j'ose dire, surtout quand tu perds un match et que tu perds 2-0 à l'extérieur, mais tu as quand même 71% de possession. Mais tu prends 2-0 parce que c'est vrai que le Havre a quand même été stérile, hein. Ils se sont procurés très peu d'occasions. Nantes a fait le job, ces deux buts sur deux tirs cadrés. Ouais. Hein, donc, pour le coup, c'est propre avec il y a quand même un CSC, hein, l'ouverture du score devant, c'est un CSC de Zouaoui à la 3e minute et puis un penalty de Ganago donc à la 34e. Le score était déjà fait à la mi-temps, mais Nantes a su tenir quand même défensivement. Mais j'ai dit, le Havre n'a pas été très dangereux non plus, donc ça reste une très belle opération pour Nantes qui reste englué en tant qu'avant-dernier quand même. Donc il y a encore du chemin à parcourir, ça c'est sûr, mais ça reste 3 points extrêmement importants qu'il fallait prendre face au Havre qui reste un adversaire direct au maintien, même si le Havre a quand même 9 points de plus au classement, qui est assez tranquille mine de rien par rapport au poursuivant et par rapport au maintien, mais il fallait absolument gagner pour Nantes, c'était chose faite à la Beaujoire, donc c'est peut-être une bonne chose pour lancer une nouvelle dynamique, j'espère, et j'espère aussi pour Ahmed Kantari qui est arrivé il n'y a pas longtemps et qui est déjà en sursis, donc c'est, j'espère, une victoire qu'on appellera d'autres pour les Canaris. Enfin, Strasbourg recevait Lyon pour mettre fin à cette série lyonnaise. Chose faite, victoire 3-1, vraiment qui gagne avec la manière dans cette rencontre. Ouais, on a vu le Strasbourg des grands soirs, si j'ose dire. Un très bon Strasbourg, très convaincant, très plaisant, où ils ont été quand même dominateurs, et qui ont su faire surtout le job et avec de vrais patrons au milieu de terrain. C'est vrai que le Racing a été s'est comporté en patron au milieu de terrain, a vraiment maîtrisé les milieux lyonnais. Après, c'est un peu à l'image de Lyon ces dernières semaines. Hein. Lyon avait quand même forcément encore de bons résultats. Mais Lyon, on les sentait un peu en moins bien, ils maîtrisaient moins leur match. Ils arrivaient toujours à s'en sortir depuis, oui, deux, trois semaines, j'ai envie de dire. Et voilà, dès que ça arrive face à un adversaire qui joue comme ça, comme Strasbourg, à domicile en plus, à la Méno, c'était compliqué forcément, et il fallait que ça arrive pour Lyon. Alors, est-ce que ça va amener une dynamique un peu moins positive pour Lyon? Je sais pas, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que l'intensité des matchs, l'enchaînement des matchs, ça va vite revenir. Les huitièmes d'Europa League, ça arrive à grands pas. Il y aura encore la Coupe de France, plus le championnat d'Asie encore à jouer. Donc c'est là où il faut essayer de pas perdre le fil pour Lyon. Donc attention pour les prochaines semaines et les prochains matchs. Et puis il y a l'Olympique, encore une fois, ce week-end aussi, dimanche. Crucial face à Marseille. Donc attention à Lyon. Mais en tout cas, très beau match de Strasbourg et très belle victoire pour eux. Ouais, et ouverture du score pour United à Everton. Hein, exactement, ouais. Ça y est, ça a marqué dans tous les matchs. Strasbourg qui remonte 7e, hein, 34 points. Enfin, qui était déjà 7e, mais en photo qui revient à 3 points du 5 et du 6e. Donc c'est vrai que ça joue encore pour l'Europe, hein, c'est Strasbourgeois. Le classement en Paris donc reprend la tête, 54 points. Lens est deuxième, 52 points. C'est le seul changement du top 10 d'ailleurs. Hein. Lens donc deuxième, Lyon troisième, 45 points. Marseille quatrième, 40 points. Lille et Rennes sont à 37 points. Strasbourg, Monaco à 34. On l'a dit, Lorient 9e, 32. Toulouse à la moitié, 10e, 31. En bas, on a Auxerre, pour l'instant barragiste, 17 points. Nantes 17 points également et Metz dernier, 13 points. Les pronostics, allez, 22. Non. 32. Alors, heureusement qu'il y a Paris pour te sauver. Parce que ça fait qu'un point. Hein. Voilà. T'as combien toi? 4. Un petit peu mieux, bah. Ah, quand même. J'ai pas Monaco pourtant. Tu vois, je m'en veux. C'est la seule fois de la saison où je les mets pas gagnants et. Ouais. Et, j'ai pas cru, mais Auxerre, Rennes, bah oui, t'as été optimiste, toi, mais hein, Lille, j'ai cru. Et puis Nice, le nul face à Lorient, et voilà, bon. Heureusement que Paris gagne, ouais. Sinon, ça aurait pu être le premier zéro pointé de la saison. Allez, on va essayer de faire mieux sur cette 24e journée de Ligue 1 qui démarre vendredi à 20h45. Strasbourg reçoit Lens. Strasbourg 7e, Lens 2e. Moi, je vais mettre Lens qui va se refaire, je pense. Même si Strasbourg, à domicile, on l'a vu face à Lyon, c'est costaud. C'est pour ça que j'ai quand même, malgré mon score calamiteux de ce week-end, j'ai envie de mettre Strasbourg. Bah, à domicile, j'ai envie de croire. Ouais. Ça peut faire un nul aussi. Une belle performance, et ça peut faire un nul aussi, bien sûr. Ouais, peut-être Lens un peu sonné après cette déroute contre Monaco, je sais pas. Je vais mettre Strasbourg, ouais, je vais t'en faire. Samedi 17h, Rennes-Toulouse. Rennes 6e, Toulouse 10e. Je vais mettre Rennes à la maison. Je vais mettre un match nul, moi. Ok. 19h, Monaco-Angers. Monaco pour aller mieux 8e, Angers 12e. Je vais mettre Monaco là qui doit enchaîner. Là, ça y est, ouais. La dynamique est pas chancée, j'espère. Pour Monaco aussi, ouais. 21h05, Le Havre-Paris. Paris Saint-Germain, Le Havre 13e, Paris 1er. Moi, sans problème, le PSG. Ouais. Au Havre. Ouais. Dimanche ensuite, on a Paris FC Nice d'abord. Paris FC qui est 15e, Nice qui est 14e. Hein. C'est vraiment un match à pas perdre. Et Ah. Je vais mettre Nice, moi. Moi, je vais mettre un nul, moi, parce que je sais pas quoi mettre. Oui. Ça arrangerait personne, mais je sais pas vraiment quoi mettre dans ce match, donc j'ai resté sur ce nul. Lorient Auxerre d'abord. 17h15 en premier, c'est Lorient 9e, Auxerre 16e. Ah, je vais mettre Lorient à contre-cœur, moi, mais. À contre-cœur, quand même. Non, mais c'est que j'aimerais bien qu'Auxerre s'en sorte, mais. J'allais te mettre nul. Je vais mettre Lorient quand même aussi. Ouais. Ensuite, on a Metz, Brest, le dernier. Contre Brest, 11e. Mettre Brest. Là, je tente le nul, tu vois. Je sais pas. Brest. Ça peut. Ça peut être Brest, ça peut être Metz aussi. Metz reste quand même sur une série vraiment pareil, triste, mais. Ouais. Là où Brest est un peu mieux quand même, forcément, mais. Non, je mets nul. Je reste sur ma première impression. Lille-Nantes, 5e contre le 16e. Lille pour moi. Qui joue le retour cette semaine, faut pas oublier jeudi. Face à Nantes, je les vois pas. Ouais, ça reste à Pierre-Mauroy aussi quand même. Je vais mettre Lille quand même aussi. Et à 20h45, bien sûr, Marseille-Lyon. 4e contre 3e. Je vais te laisser parler le premier, allez. Bon, je sais que ce sera Marseille, mais le score. Ouais, là, j'ai pas le choix, bien sûr. Oui. Je vais mettre, j'espère, 3-1 pour l'OM. Cher payé quand même. Ouais, mais Lyon, je t'ai dit, il n'est pas en grande forme. Dans le jeu, moi, il me déçoit un peu là depuis quelques matchs. Bon, l'OM aussi, hein, évidemment. C'est même pire. Mais là, à domicile, avec le public, je pense que ce sera quand même à fond, même s'ils vont être mécontents de la situation. Je reste sur 3-1 pour l'OM quand même. Moi, je mets 2 partout. Ouais, 2 partout. Ouais, pas très ambitieux. Bah, c'est pas vrai. C'est vrai que si Lyon gagne, ça fait 8 points. Hein, et après, la troisième place, elle est pas pliée, mais pas loin. Hein. Ah, presque. Ouais. Bah, presque. Hein. Bon, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 différences. Pas mal. Là, il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu, là. J'espère qu'on va tourner à ma faveur pour le coup, là, parce que j'en ai besoin. Hein. Ah, t'en as besoin, là, t'en as subi 4 d'affilée, là. Ah, ouais, tant que ça, des défaites. Ouais. Enfin, il y a une à une, on a partagé la victoire, mais sinon, ça fait 3 où je gagne seul. Donc là, t'en as besoin, ouais. Ah, ce truc-là, il y a eu de l'écart. Hein. 4-1. Là, il y a un peu d'écart. Il y a eu un 7-2 aussi il y a 4 semaines, donc t'as perdu des points, là. Bon, bah, on verra. Je t'en avais pas mis une de petite déculottée à un moment? Ah, il y a peut-être un petit peu, si. Il y a pas si longtemps, non? 5-3, non. Ah non, c'est toujours un point d'avance. Ah, il y a eu un 7-3, mais c'était la 12e journée. Hein. C'était loin. Ouais, je sais plus. Bah moi je sais. C'est truqué. C'est truqué votre jeu. C'est truqué votre truc. Ah tiens, il y a eu des buts. Enfin, au moins un. Giron qui a pris les commandes. Le match face à Alavés 2-1. Et puis bah c'est le temps additionnel en Ligue 2 et aussi en Italie. L'agenda cette semaine, avant de se quitter, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer plein de choses encore. Barrage retour de Ligue des Champions. Donc demain, on vous a donné les matchs tout à l'heure. Hein. Madrid, Atlético face à Bruges. À 18h45. Leverkusen à Olympiakos. Inter Milan, Bodo Glimt. Newcastle, Karabag. Mercredi à 18h45, Bergame, Dortmund. Et à 21h, Madrid, Benfica. Turin, Juventus, Galatasaray. Et bien sûr, Paris, Monaco. Ça, c'est pour la Ligue des Champions. En Ligue Europa, on n'en a pas parlé. Lille qui a perdu 1-0. Pour son barrage aller à domicile en plus face à Belgrade, il faudra aller en Serbie là. Hein. Ça va pas être simple. Ouais. Pour inverser la tendance. Toujours chaud, ouais. Ouais. Ce sera 18h45 jeudi. Oh. Ouais. J'aime pas ce tournoi là. Non, c'est chiant. Hein. C'est, ouais. Voilà pour nos clubs français en barrage cette semaine. Et puis bah voilà le championnat qui va repartir en lundi ce week-end, tout ce qui se passe en Europe. Alors il y a des bons matchs, hein, on a annoncé, hein, il y a le Bayern. Dortmund Bayern, je crois. Non, tu sais plus non plus, mais c'est pas grave. Non, merci. J'écoutais pas en fait. Ah, je disais il y a des beaux derbies ce week-end, notamment donc il y a ce Bayern Dortmund. C'est pas un derby. En tout cas, c'est un match chaud pour le titre. Hein. Et oui, tout à fait. Et c'est Dortmund, voilà, c'est Dortmund Bayern. Donc ça sera intéressant. Et on a dit aussi qu'il allait avoir il y a Rome Juve dimanche et il y a Arsenal Chelsea aussi. Donc il y a des chocs dans et Marseille Lyon. Et Marseille Lyon, hein, dans tous les gros championnats, il y a des gros chocs. Voilà, donc c'est intéressant. Pour le foot, voilà, tout ce qui est... Et en Espagne, je crois que c'est Barça-Villarreal aussi. Et oui, bah oui, entre le 1 et le 3, donc il y a des gros matchs hein, ce week-end. On aura plein de choses à dire le week-end prochain, j'espère. Lundi prochain. Pour le reste de l'actualité de l'actualité sportive, on va avoir donc pour le handball Saran qui va tenter d'enchaîner... on l'espère avec un nouveau succès. Ce sera la réception de Poton Combo qui est juste devant, un point devant. Donc, ce serait bien de gagner un vendredi 20h, Palais des Sports d'Orléans. En basket, c'est la trêve. Enfin, il n'y a pas de match cette semaine en championnat. Donc, Orléans au repos après son titre en Leaders Cup, se reposer avant de rattaquer la semaine prochaine. Voilà, donc repos pour le basket, en tout cas en club. Ensuite, on va avoir du rugby, bien sûr. Alors, pas de Six Nations ce week-end, c'est la pause. On rattaque le top 14 du coup. Donc 18e journée, on avec un dimanche soir Pau Bordeaux entre le 2e et le 3e, grosse affiche de top 14 dimanche soir. En rugby, donc pas de signation, il faudra attendre la semaine prochaine. En tennis, je vous le disais, il y a donc Dubaï cette semaine, Acapulco, il y aura des Français, en tout cas les trois premiers classements mondiaux ne sont pas présents, Djoko, Alcaraz et Sinner sont au repos cette semaine, avant d'attaquer les gros tournois au mois de mars, en Indian Wells et Miami notamment. Et puis retour du championnat du monde de MotoGP cette semaine, dimanche, avec le Grand Prix de Thaïlande, voilà, qui sera au programme de cette première étape, ce championnat du monde de MotoGP. Voilà pour la semaine qui nous attend. Les directeurs, c'est terminé en Ligue 2, donc Le Mans, Guingamp 1 partout, donc ça n'arrange évidemment pas les affaires du Mans, qui va rester quatrième à un point du podium et de Reims. Donc voilà, c'est un match un peu frustrant pour Le Mans qui aurait pu s'emparer seul de la quatrième, de la troisième place. Et pour Guingamp, eh bien ça reste dixième. C'est fini aussi en Italie, hein, du coup, hein, contre Bologne et Udinese. Hein. Ouais, victoire 1-0 grâce à ce penalty à la 75e donc pour Bologne de Bernardeschi. 1-0. Donc Bologne reste huitième. Voilà, assez loin du top 7, donc malgré cette victoire. Ce soir, et puis on vous laisse avec la fin donc de United Everton. Pour l'instant, ça se passe bien pour United qui est pas loin de gagner. Hein. Il reste plus beaucoup. Hein. Ouais, tout bon à zéro. Alors, la 83e minute. Donc entre Everton et United, ouais, tu l'avais dit, match forcément important comptablement pour United dans la course à la Ligue des Champions. Et même pour Everton dans la course à l'Europe, qui est encore pas si loin. Ils sont là, ils sont 9e du coup avec cette défaite. Mais alors là, il y a un carton jaune, je crois, côté. Alors, ça s'est un peu bavardé des deux côtés, hein, mais il y a une offensive là, pour United. Donc ouais, en tout cas c'est bien parti pour l'instant pour les Red Devils. Et puis. Pour Everton, attaque pour Everton, pardon. Et, voilà, qui pourrait s'emparer seul de la quatrième place. Et puis on voit c'est Gérone qui mène 2-1 à l'Alavés. Bon là il y a moins d'enjeux. En tout cas, pour le haut de tableau, c'est plutôt pour le maintien que ça se joue. Pour l'instant, Jérôme mène toujours 2-1. Allez, on se quitte 22h43 avec ce titre Young Empires Reign of Gold. On se quitte là-dessus. Hugo, merci. Bonne semaine à toi. Merci, bonne semaine. À lundi prochain. Salut tout le monde. Ciao, bonne semaine à vous. Allez, les Français de cette semaine, on y croit. Ciao, vive le sport.